la notice méditation que nous avons orientée dans deux directions, essayant d'ouvrir au maximum, et avec comme point de référence ce que la notion peut avoir à dire du côté des sagesses orientales. Et puis, bon, la tradition que le christianisme lui-même va développer sur cette question, avec une réalité contemporaine qui est aussi effectivement très, très ouverte, hein, parce que l'image qui me venait en convoquant cette séance, c'était Meditation de John Coltrane. Et ce que peut être le registre de la spiritualité pour un grand jazzman qui a enregistré Love Supreme. Voilà. Alors pour la séance, qui est une séance que nous avons élargie, puisque nous avons constaté que 2 heures c'était souvent très très court, que les intervenants avaient peu le temps, donc vous avez bien vu que dans l'annonce Stéphane avait mis 18 heures en rouge. Nous avons jusqu'à 18 heures, nous occupons le temps que nous voulons. Mais ça veut dire que l'un et l'autre, vous n'êtes pas trop contraints. Et du coup, nous vous proposons un découpage de l'après-midi qui nous permettra d'entendre un des premiers intervenants, qui serait Arundhati, si l'on est d'accord. Oui, parce que je viendrai à 18h19. Ah, 18h19, bon. Ensuite, on discutera ta proposition. Et puis ensuite, eh bien, nous aurons le plaisir d'entendre Jean-Michel. Alors Arundhati Virmati est une collègue d'origine indienne, qui est à l'école de hautes études, qui est active à Marseille. Quant à Jean-Michel Rosny, il nous vient de Concordia. Hein, c'est un homme qui fait la jonction entre l'antiquité tardive chrétienne et l'historiographie du christianisme dans une réalité contemporaine, hein, dans ce phénomène de réflexion du christianisme sur sa propre histoire. Et il est actuellement directeur invité à l'école pour tout le mois, et nous le retrouverons 2 ans, d'où l'idée de l'intégrer de façon résolue dans notre dispositif de travail collectif, dans l'espoir que pour lui ça soit pas trop lourd. Ce qui lui a été commandé. Voilà. Il rit. Bon. Bien. Donc, Arundhati, souriant. Je te laisse la parole. Non, merci, Dominique, et merci à vous de réagir si promptement à ma suggestion lors d'une dernière discussion sur les notions à retenir pour la version anglaise du dictionnaire des religions. Et donc, en fait, comme j'avais dit, cette fois, j'étais frappée par l'absence de la notion méditation, à part quelques lignes dans l'entrée technique du corps, où elle est présentée comme un élément de yoga. Lui-même... plus facilement accessible au public occidental par son aspect physique et même sportif aujourd'hui. Donc si l'on regarde le Oxford Companion to Christian Thought, qui est édité en 2000, on note qu'il n'y a là aussi aucune entrée méditation. Des historiens indiens avec qui j'ai discuté récemment m'ont dit des historiens de l'Inde ancienne aussi bien que l'Inde contemporaine, ils ont montré peu d'intérêt dans cette notion. Donc cela m'a fait réfléchir pourquoi cette absence, pourquoi cette seule assimilation un peu réductrice dans la catégorie des techniques du corps dans les œuvres qui traitent le fait religieux. Alors le mot a une longue histoire, antique, moderne, philosophique et religieuse. Et en fait, le mot méditation est un terme occidental, sans équivalent direct dans les principales langues indiennes. En sanskrit, donc, vous verrez dans le glossaire, j'ai mis des mots pour décrire cette pratique, et peut-être il y a bien d'autres. Donc, nous trouvons dhyan, en sanskrit, en pali, nous trouvons jhana, dérivé de jayati. En gurmukhi, elle est décrite comme nam. Donc, pouvons revenir sur ces différents mots dans la discussion plus tard. Mais même si une idée répandue associe la méditation aux religions de l'Asie du Sud, et en particulier l'hindouisme et le bouddhisme, il se trouve aussi, ou elle se trouve aussi, au sein de plusieurs autres traditions religieuses. Le christianisme, bien sûr, mais aussi le jainisme, le soufisme. Descartes l'a choisi comme titre, au pluriel, en 1641, pour désigner une expérience philosophique. Et donc, le titre est en latin, que je prononce mal. Mais en français, c'est « Méditation sur la philosophie première dans laquelle est démontrée l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme ». Et publié en 1641, la notion reprise en écho par Bourdieu quelques 350 ans plus tard. Donc un article très intéressant sur Descartes et la méditation, ce que méditer veut dire, et par François Guéry, en fait, dans une revue philosophique de la France 2000. Donc je ne vais pas me lancer dans ça parce que je laisse à mon collègue qui est plus expert que moi. Donc en fait, la méditation, comme j'ai aussi dit la dernière fois, offre, je pense, la possibilité de comparaison théologique, philosophique et spirituelle. Moi, je vais me retenir à la tradition hindoue pour essayer de clarifier quelques questions. Mais il est possible aussi que lors du passage de la méditation de l'Inde à l'Occident, il y a eu des interactions entre courants hindous et courants bouddhistes, notamment à travers le rôle qu'a pu jouer le mouvement théosophiste. Et ça mériterait un examen plus approfondi. Donc, pourquoi cette sorte de réticence envers cette notion ? Est-ce une notion trop ésotérique, avec une pratique trop personnelle et difficile d'accès, puisqu'elle ne se traduit pas en rituel collectif ? Elle ne déborde pas dans des mouvements politiques ou sociaux. Le sujet est d'ailleurs longtemps traité comme la chasse gardée des spécialistes des sociétés indiennes ou des phénoménologues, sanskritistes, connaisseurs du pali, etc. Mais si on va plus loin, peut-on y voir la difficulté de traduire une notion qui reflète une approche holiste à l'individu, où l'âme, le corps et l'esprit ne sont qu'un? Difficulté de traduire cette notion holiste dans un système occidental où la dichotomie entre âme et corps est plus naturelle? Clairement, cette notion ne peut pas être acceptée comme une tradition intacte, immobile, propre à un espace géographique ou à une tradition religieuse. Donc, je ne présente pas quelque chose qui est la culmination des longues années de recherche ici. Et donc cet exposé n'est ni compréhensif et ni très érudit. Il présente quelques réflexions préliminaires. Ce sont des questions qui me sont venues plutôt que les réponses. Et donc je vais examiner ici la construction de cette notion au sein de l'hindouisme au cours des contacts entre Européens et Indiens à partir du 16e, 17e siècle. Donc je m'interroge en fait sur le transfert complexe de ce terme à l'Occident. Et à la fin, vous pourriez me complètement déconstruire en disant tout ce que j'ai dit, ce ne tient pas. Donc je vais commencer avec ce regard européen. Nous trouvons quelques références à cette pratique de méditation dans les textes de jésuites qui sont présents dans l'Inde dès le 16e siècle, dans l'ouest et le sud de l'Inde. Mais leur but, évidemment, c'est de conduire les indigènes vers le christianisme. Et ces textes exposent clairement des préjugés jésuites contre les brahmanes, qu'ils considèrent comme pervers et dangereux. Donc, en fait, on devrait faire une étude plus approfondie de tous ces textes, Parce que ce que j'ai regardé des jésuites les plus importants comme Xavier en Inde, je ne suis pas tombée sur les références sur la méditation. Pourtant, ce jésuite extrêmement important est très présent dans l'Inde, mais il fait des références à la méditation quand il va au Japon, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et où il fait ses premières réflexions sur la méditation dans ses lettres, la méditation telle qu'elle est pratiquée au Japon, dans les moines bouddhistes importants, mais qu'il dénigre en disant, voilà, en fait, ils perdent leur temps, ils prétendent faire la méditation, mais c'est pas sérieux. Mais un autre de ces jésuites italiens, Roberto de Nobili, qui arrive à Goa en 1605, et c'est plus intéressant parce qu'il il parle de la méditation. Il arrive à Goa et il s'installe dans le sud. Et son approche est un petit peu différente. Il s'habille comme un moine indien. Il y a des images de lui, comme un sannyasi. Il apprend le sanskrit, il apprend le telugu, il apprend le tamoul pour engager un dialogue avec des savants hindous. Parce que tout son but, c'est de comprendre et de dialoguer avec les élites, et ensuite il va atteindre la population. Donc il se distingue d'autres jésuites, il est fortement critiqué par eux, par son expérience personnelle de l'hindouisme, non seulement de savoir auquel il a accès, mais aussi de conversion par l'accommodement. Et là, il y a un article d'Inès Zupanov qui a fait un travail sur ce jésuite. Donc, dans ses écrits, qui sont rédigés en tamoul, et ils sont publiés au XXe siècle en anglais, et ça s'appelle « Customs of the Indian Nation », The Dialogue on Eternal Life and Inquiry into the Meaning of God. Il parle d'actes d'adoration, de prière, de méditation. Et en fait, ses œuvres ont été traduites en anglais, mais ils ne sont même pas disponibles en italien. Et donc, j'ai trouvé la traduction anglaise, mais encore, ce sont des textes vraiment à creuser. Et lui, il parle de méditation comme faisant partie du dharma, et qui est traduit très différemment. Righteousness en anglais, ou vertu de libération. Donc il le nomme dans les langues du sud, il l'appelle d'un mot local, tianam, méditation, mais c'est plutôt une méditation sur Dieu. Tevavisya Katiyanam. Et il établit un parallèle avec Jésus qui a pratiqué la méditation de prière sur la montagne. Donc il lie la méditation à la prière, les considérant toutes les deux comme des actions vertueuses. Mais il y a d'autres voyageurs après européens au XVIIe siècle qui parlent de la méditation. Encore, c'est quelque chose à vraiment lire de très près, mais j'ai pas du tout, parce que ce que j'avais lu de ces voyageurs, de leur description et sur les coutumes, etc., à ce moment, je me préoccupais pas de la méditation. Mais j'ai trouvé dans le livre du médecin français François Bernier, qui a décrit ses impressions de l'Inde du Grand Mogol dans Voyage dans les États du Grand Mogol, qui est publié en 1671. Et lui, Bernier, commente la pratique de la méditation par les yogis. Et il écrit « Quoi qu'il en soit, je sais que ce ravissement et les moyens d'y entrer font le grand mystère de la cabale des yogis, comme il est des soufis. Je dis mystère parce qu'ils tiennent cela caché entre eux. Et nul était cependant un docteur hindou que Daneshmand Khan. En fait, Daneshmand Khan était un fonctionnaire très important à la cour d'Aurangzeb, et il fait un peu l'interprète, le traducteur pour Bernier. Et si ce n'était pas pour... et que Danish Mankhan savait d'ailleurs les mystères de la Kabbale des Soufis, je n'en aurais pas tant découvert. Et donc Bernier parle des gens qui ont abandonné le monde, qui sont abîmés, il dit, abîmés dans la méditation. Je dis abîmés, je le cite, car ils se poussent si avant là-dedans qu'ils passent des heures entières ravis en extase, leurs sens externes sans aucune fonction, et, ce qui serait admirable s'il était vrai, voyant Dieu même comme une certaine lumière très blanche, très vive et inexplicable, avec une joie et une satisfaction non moins inexprimables, suivie d'un mépris et d'un détachement entier du monde. S'il est vrai ainsi qu'un de ceux qui prétendait pouvoir entrer en cette extase et y être entré plusieurs fois, m'en disait, et s'il est vrai ce que disent ceux qui les approchent et qui assurent la chose d'une telle façon, il semble qu'ils le croient tout de bon comme s'il n'y avait point de tromperie. Donc je l'ai cité longuement parce que j'étais très contente de trouver cette citation d'abord. Et je pense que c'est intéressant à la fois par le choix de ces mots qu'il associe avec la méditation, ravissement, extase, et puis c'est abîmé. Enfin, il y a tout un cadre et un vocabulaire qu'il met en place et qu'on retrouve après. Donc, je trouve dans ces représentations de missionnaires comme des nobles, bon, c'est un peu bref, la méditation, on voit que c'est assimilé aux notions plus accessibles au raisonnement occidental, telle la notion de ce qui est juste ou vertueux. Ou chez des voyageurs comme Bernier, la méditation est montrée comme une pratique mystérieuse qui ne peut pas être assimilée à des pratiques véritablement chrétiennes pour atteindre Dieu. Donc le but des missionnaires était d'évangéliser ou de montrer ce qui était étrange et inconnu aux Européens dans la culture de l'autre. Et je pense que cette approche se retrouve aussi bien dans les descriptions par d'autres Britanniques qui ont laissé l'Inde, leur description de l'Inde dans les années 20-30, etc. Donc, si on regarde, maintenant si on revient au regard indien, c'est au cours du 19e siècle que la méditation est expliquée et commentée dans l'affrontement avec le christianisme. Les interventions missionnaires et les travaux d'indologues européens poussent les Indiens à s'exprimer sur leur propre tradition religieuse. Dans le Bengale, où l'activité missionnaire est très forte, les élites indiennes sont très formées, les élites tournent vers leurs anciens textes sacrés pour montrer à la fois leur pertinence pour l'Inde moderne et leur valeur pour construire une nation moderne. En même temps, ils dénoncent les pratiques sociales qui sont justifiées par l'autorité des textes. Parmi ces Indiens, donc, c'est des Bengalis qui sont à l'avant de la scène. Ils s'organisent dans des groupes et des mouvements de réforme sociale aussi bien que religieux. Et ce sont des groupes comme le Prarthana Samaj, le Brahmo Samaj, Samaj veut dire société. Il y a des figures comme Ram Mohan Roy, comme Vivekananda, comme Atal Bihari Ghosh et bien sûr la grande famille des Tagore, qui s'engagent dans un dialogue avec des interlocuteurs occidentaux, des savants, mais aussi avec un large public occidental. Dans leurs livres et essais qui sont publiés en anglais, ils proposent des compréhensions de l'hindouisme et des pratiques comme la méditation. Comme leurs pairs européens, eux aussi mobilisent les mêmes outils et les méthodes pour expliquer leur système philosophique et les pratiques religieuses hindoues. Cette approche est affirmée sans ambiguïté par Max Müller. Dans son livre « The 19th Century », Max Müller, qui est publié en 1893, Max Müller affirme que les Upanishads et l'ancienne philosophie de Vedanta sont les bases de la vraie religion. Et il critique tout le reste, surtout ce que font les théosophistes, comme ésotérique. Et il réfute l'idée qu'il peut exister quelque chose de secret ou en dehors des textes. Donc, en fait, c'est très intéressant parce que Max Müller, dans son livre « The 19th Century », alors j'ai un texte de lui ici que je peux le lire en anglais ? Alors, il dit dans the 19th century, it is quite true that the doctrines of the Vedanta or the Upanishads were sometimes called rahasya, that is secret. But this too meant no more than that teachers should not teach these portions of the Veda except to persons of a certain age and properly qualified for these higher studies. When we hear Aristotle call the smaller mysteries and Plato the greater mysteries, this does not mean that their writings were kept secret. It only meant that students must first have learned a certain amount of Greek and have qualified themselves for these more advanced studies, just as students at Oxford advance step by step from the smaller to the greater mysteries, that is, from smalls to mods and from mods to greats. Greats may be great mysteries to a freshman, but no one is excluded from participation in them, if only he feels inclined to be initiated. Et donc, Max Müller ajoute qu'il y a une quantité d'idioties écrites sur le bouddhisme et le brahmanisme avant qu'on commence à vraiment connaître le sanskrit ou le pali, et ce qui a permis aux savants de lire les textes. Et donc, il dit, la religion, pour être une vraie religion, doit être recherchée et conquise. Donc, il déplore, il dénonce totalement son accent sur les mystères et dénonce tout ésotérisme. Donc, il était en fait engagé dans une grande controverse avec Madame Blavatsky, qu'il rejetait comme... donc, il affirme ça et il critique les théosophistes. Donc, il ne peut exister quelque chose de secret ou en dehors des textes. Donc, ça, c'est un peu le modèle aussi pour les savants et les élites indiens. Et les écrits des figures comme Ram Mohan Roy, qui était réformateur, il est connu comme le père de l'Inde moderne et aussi à la tête de la Renaissance bengalie, il converge avec cette approche. Alors, Ram Mohan Roy s'est déjà engagé dans une réflexion comparative avec l'islam à partir de 1816, mais il est dans un dialogue avec les Unitarians anglais. Il va en Angleterre et il conduit ses échanges en se basant aussi sur les textes comme les Védas ou les Upanishads. Alors, pour Ram Mohan Roy, la méditation n'est pas centrale dans ses échanges. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé... aucune réflexion de Ram Mohan Roy, peut-être je trouverai mais encore je ne sais pas, je n'ai pas trouvé sur la littérature sur lui, mais il est clair que personne ne s'intéresse à la méditation, donc s'il a écrit quelque chose, il n'apparaît ni dans la littérature secondaire ni dans les textes qu'on... Mais la méditation devient vraiment centrale avec Vivekananda. Alors, Vivekananda, un moine hindou, disciple de maître mystique, Ramakrishna, dont il existe toujours l'ordre Ramakrishna Order. C'est quelqu'un... alors, Ramakrishna, ce gourou mystique, est quelqu'un de tout à fait marginal par rapport aux réseaux occidentaux. Mais... en continuité avec les traditions locales de spiritualité. Vivekananda, lui-même, il est polyglotte, brillant, produit d'un système d'éducation britannique, et il veut présenter l'hindouisme au public international comme une contribution unique de son pays au monde. Donc, il devient un des passeurs qui présentera la méditation à l'Occident. Il va au Parlement mondial des religions du monde en 1893 à Chicago. C'est une rencontre internationale qui coïncide avec la foire mondiale. Mais Vivekananda y va sans y être invité. Donc il arrive et Et c'est vraiment un spectacle parce qu'il est habillé avec un turban et il y a des analyses de ses pratiques vestimentaires qui ont été faites par Dipesh Chakravarti. Et ce qui est intéressant, c'est que Vivekananda est accompagné par des moines bouddhistes qui, eux, viennent de Sri Lanka et qui seront aussi dans l'avant-scène pour traduire la méditation et faire le transfert de la méditation bouddhiste. Mais je n'y entre pas là parce que je reste dans l'hindouisme. Donc, Vivekananda, en accentuant l'ancienneté et la richesse de l'hindouisme, intègre la méditation dans le yoga. Et ça, il ajuste en sanskrit, donc yoga, une maîtrise du corps et de l'esprit qu'il appelle l'état le plus élevé de l'existence. Et pendant sa tournée aux États-Unis, il la présente en établissant des parallèles tirés de la science et il explique les procédures dans des termes très rationnels. Il la place dans une approche philosophique de Vedanta, un des six courants orthodoxes de la philosophie hindoue. C'est la première fois que la tradition du yoga comme technique ancienne remontant au premier siècle de notre ère. Le terme yoga, en fait, apparaît la première fois dans la littérature upanishadique, dans le Taittiriya Upanishad. Il est présenté au public américain et européen. Et Vivekananda expose ses idées après sa tournée dans un livre qui s'appelle le Raja Yoga, qui est publié en 1896 en anglais. Et seulement 4 ans plus tard, ce livre sera publié, traduit dans d'autres langues vernaculaires indiennes. Et donc, il est présenté d'abord à un public américain avant d'être présenté à un public indien. Donc, sa présentation de la méditation la place comme une étape dans le yoga qui, lui, est insérée dans la tradition plus ancienne de Samkhya, qui est 5e, 2e siècle avant Jésus-Christ, et de Vedanta. Et il restructure l'ancien texte de Patanjali, qui est un grammarien et dont les dates sont très incertaines. Certains le placent 2e siècle avant Jésus-Christ, d'autres parlent de 3e siècle après Jésus-Christ. Donc il restructure tout ça pour l'Occident et sa religiosité individualisée, laïque et thérapeutique. Donc il parle dans son livre de dhyana, de samadhi, de la concentration, ses usages spirituels et aussi pratiques. Bref, la méditation n'est qu'une étape dans ce long processus et elle est décrite en termes très rationnels. Donc comment les tentatives de expliquer la méditation à un public étranger apparaissent dans les lettres d'une des disciples de Vivekananda qui est Nivedita. Nivedita est une Irlandaise, elle rencontre Vivekananda en Angleterre et elle a une sorte de... c'est une illumination, elle le suit en Inde et elle écrit à une amie en parlant de la méditation dans cette lettre, c'est en 1898 et elle dit « Meditation simply means concentration. Absolute concentration of the mind on the given point. But there is some subtle magnetic condition which makes it easier. And so external conditions are worthwhile. For instance, a skin rug to sit on is quite seriously a help. It isolates one and increases the magnetic power in some way. And the minute you succeed in concentrating all your powers for a second, you have done it. The rest will speak for itself. Et ce qui est intéressant, elle dit, what Matalin calls the great active silence. Et encore, elle écrit, elle est à Srinagar avec Vivekananda, elle écrit à cette même amie, à Mrs. Eric Hammond, in meditation, one does not see with one's eyes, but perceives directly as it seems with that part of the brain that lies between the eyes and behind the forehead. Donc, il faut l'expliquer. Donc, la place de la méditation et son importance dans la pratique religieuse et spirituelle se font dans le cadre du yoga qui se base donc sur des textes anciens et sacrés de l'hindouisme. La méditation est ainsi située dans des conventions religieuses occidentales, ce qui implique d'établir des parallèles avec des termes compréhensibles en Occident tels la concentration. Elle devient progressivement quelque chose de public, expliqué et commenté dans les livres publiés par des Indiens grâce au développement de l'imprimerie. Et là, il y a un article très intéressant de Niall Green sur cette diffusion de manuels sur la méditation en Inde grâce à la mise en place de l'imprimerie. Donc désormais, le yoga occupe le devant de la scène et se diffuse à partir du deuxième moitié du 19e siècle dans un public de lecteurs en Europe, aux États-Unis et en Inde. Et la méditation est assimilée à cette notion sous différentes formes. Asparsha yoga, non-contact, détachement total. Donc des noms sont mis en place dans différentes traditions pour rapprocher la méditation au yoga. Donc, les sources textuelles de cette pratique sont aussi désormais établies. Le Bhagavad Gita, un texte assemblé entre 400 et 100 avant Jésus-Christ, un texte de 700 versets qui lui-même fait partie d'une épopée hindoue, le Mahabharata, et qui mentionne quatre branches de yoga. Donc, la quatrième branche de yoga est le yoga de méditation. L'autre texte est bien sûr les Yoga Sutras de Patanjali, qui délimite les huit voies, et le Raja Yoga est une de ces voies. Donc, la méditation, comme une de ces voies, est considérée comme un outil pour atteindre la connaissance du soi. Donc, dans les années 1930, il y a d'autres maîtres spirituels. Bon, je ne vais pas évoquer tous. Il y a un qui est assez intéressant, qui est Swami Shivananda, qui popularise le yoga dans les années 1930. Il est intéressant parce qu'il attire des disciples et des intermédiaires européens comme le Mircea Eliade, qui lui découvre ce livre de Swami Shivananda chez Giuseppe Tucci à Rome, et il part à Calcutta pour travailler avec il découvre un livre écrit sur le yoga par Dasgupta. Et par Dasgupta, il arrive à Swami Shivananda. Donc, Eliade considère le yoga comme une pratique des populations indigènes de l'Inde ancienne, propre à la civilisation de l'Indus, et il oppose ce yoga au ritualisme du brahmanisme orthodoxe, avec pour but la libération de l'individu. Donc, Eliade s'intéresse à tous les aspects du yoga, la doctrine, les techniques, les exercices ascétiques et le continu philosophique. Donc, il est un peu aussi marginal dans cette tradition avec, je pense, pour ses positions politiques, mais c'est un des intermédiaires pour diffuser le yoga. Donc, en 1928 à 1931, Eliade va en Inde. Il a découvert ce livre sur le yoga de Surendranath Dasgupta chez Tucci en 1928. Il ira séjourner dans cet ashram de ce Shivananda à Rishikesh dans les Himalayas en 1931. Et il présentera sa thèse à Bucarest en 1933 et elle est publiée à Paris 3 ans plus tard. Donc, tous ces livres sur yoga, immortality, freedom, le yoga, donc il a écrit sur le yoga dans The Encyclopedia of Religion, et puis le yoga et la spiritualité indienne, etc. Mais en Inde, dans ce climat, dans ces années 1920-30, Les Indiens commencent à s'intéresser aussi plus après cette diffusion des manuels, etc. C'est devenu quelque chose de public et pour eux, la méditation devient dans un certain sens un moyen d'acquérir le pouvoir sur eux-mêmes et ainsi sur leur monde, ce qui leur est nié par les colonisateurs. Et dans cette lignée, nous devons penser à Aurobindo, qui est né dans une famille lettrée, offre sa propre interprétation de la place de la méditation et la technique dans ses réflexions sur la philosophie et le yoga. Et Aurobindo, éduqué en Angleterre, où il a été envoyé, il n'avait même pas 10 ans, je pense, activiste politique à son retour en Inde, il se retire de la vie politique et du militantisme politique après une expérience mystique vécue en prison et se consacre à l'élaboration de systèmes de yoga intégral où il assimile la méditation. Il y a aussi Annie Besant, irlandaise, à la tête du mouvement théosophiste dans l'Inde du Sud et actrice centrale dans le mouvement nationaliste anticolonial. Elle définit la méditation aussi comme un aspect de yoga en 1907, lors du 32e anniversaire de la Société théosophique à Benares, la déclarant une science à la fois pratique et psychologique. Donc, ces représentations nouvelles de la méditation la séparent de la tradition secrète, ésotérique, où elle était transmise du maître au disciple, et elle écarte également la tradition du tantra, qui constitue un courant important dans la pratique religieuse. Donc il y a des textes anciens, comme le Vijnan Bhairava Tantra, un ancien texte sur la méditation, qui est moins cité qui fait moins autorité à cette époque que les Upanishads et la tradition de Vedanta. Ces textes présentent la méditation dans ses 112 techniques et elle est également un petit peu écartée. D'autres courants comme le shaivisme du Cachemire le sont aussi. Néanmoins, il existe certains Britanniques qui s'intéressent à ces traditions. Il y a par exemple Sir John Woodruff qui est éduqué à Oxford, retourne à Calcutta où il est né. Et il se fait initier dans le Tantra Shastra par un gourou réputé, Shiv Chandra Vidyanava. Donc Woodruff est une figure très importante et caractéristique des rapports intellectuels entre l'Inde et l'Occident. Il écrit les livres au sujet de Shakti, l'énergie, et comment on la maîtrise dans des traditions hindoues. Donc il écrit Shakti et Shakta en 1918 et il édite 21 tomes de textes tantriques de 1913 à 1944, dans lesquels la terminologie de tantra, particulièrement utilisée dans le shaivisme du Cachemire, est reproduite. Ces œuvres sont alors inconnues en Occident et ils sont même fort peu connus en Inde. Donc, des figures comme Woodruff défendent les valeurs de la culture indienne et veulent la sauvegarder contre une occidentalisation qui lui semble néfaste. Ils s'habillaient également parfois à l'indienne. Mais ils ne font pas de poids parmi les savants indologues. Alors, il y a des discussions autour de Woodruff parce qu'en fait, certains de ses livres, il a écrit sur un autre nom. Et il prend le nom de Arthur Avalon. Et donc ce livre qu'il écrit en 1919 sur The Serpent Power. Et c'est un travail sur le Tantric Yoga. C'est intéressant qu'il a pris un autre nom pour publier ça. Donc il y a un débat parce que des critiques disent qu'il ne connaissait pas le sanskrit. Et en fait ça c'est une réflexion qui continue, enfin souvent ça revient, même aujourd'hui, parce que le grand historien de l'Inde ancienne, qui est Romila Thapar, m'a dit, elle était toujours critiquée par des traditionalistes qui lui disaient « Ah, elle ne connaît pas le sanskrit !» Donc Woodruff, la même accusation est dirigée vers lui. Et alors, il est censé avoir dépendu du travail des Indiens sanskritistes, notamment co-disciples de son gourou, qui était Atal Bihari Ghosh, pour reproduire des textes sanskrits. Certainement, il avait à la fois ce gourou, mais il n'est pas reconnu comme une autorité savante, ni pour les Européens, ni pour les Indiens. Alors, peut-être l'utilisent comme un moyen de prêter le prestige à leur tradition tantrique dans ce cas. Donc, des gens comme quelqu'un comme Woodruff sert de médiateur aux Indiens et devient miroir de leur culture religieuse. Mais si les Indiens ne mettent pas en valeur ces traditions mystiques et secrètes qui entourent la méditation, c'est aussi par crainte qu'elles soient rejetées comme superstition. Et la méditation dans le tantrisme est associée avec des rituels, des mantras ou les yantras. Tandis que dans le yoga de Patanjali, mis en avant par Vivekananda, Aurobindo et tous les donc des autorités, elle est dissociée de tout rituel. Et ses liens avec la Kundalini Shakti que Woodruff présente dans son livre The Serpent Power, l'initiation dans la voie par le maître spirituel et d'innombrables méthodes qui la caractérisent, sont désormais écartées par ce processus qui dissocie méditation et tantrisme. Donc, enfin, c'est je pense que la méditation peut se comprendre comme le résultat d'une double construction, par le biais de deux regards culturellement opposés, le regard indien et le regard occidental. Et ces approches diverses, durant la confrontation dans un contexte colonial, accentuent un peu l'intraductibilité du phénomène de la méditation d'un système à un autre. Pour l'Occident, elle est accessible et parfois elle se réduit à une question de technique de corps ou de culture de corps. Cet aperçu, je pense, révèle en fait un clivage plus profond entre les cultures occidentales et indiennes. Alors, de Descartes à Wittgenstein, la philosophie occidentale met l'accent sur une distinction en nature et en substance entre l'âme, le corps, ou l'âme, l'esprit et le corps. Donc, en incarnant la dichotomie entre ces deux premières entités, le dualisme cartésien met en avant la nature aporétique de la question de l'unité de l'individu. C'est cette même absence d'unité que révèle la tripartition de l'âme chez Platon. La nature hétérogène de l'individu se perçoit donc à deux niveaux, au sein de l'âme tout d'abord, puis entre l'âme et le corps. Le fait même que l'âme et l'esprit soient distingués, comme relevant plutôt de la philosophie pour l'une et clairement du religieux pour l'autre, ne fait que renforcer la difficulté à concevoir l'individu comme une unité physique et métaphysique. La tradition occidentale met donc l'accent sur une conception dichotomiste de l'individu au sein duquel règnent des tensions inhérentes. Donc, si la méditation intéresse les Européens, les indologistes, mais aussi d'autres moins savants, c'est en réponse à des facteurs très divers. On peut comprendre cet intérêt en relation avec les mouvements qui naissent en Europe au cours du 19e siècle et portent leur attention au corps comme devant. Ils portent leur attention au corps et le corps qui doit faire objet de techniques spécifiques. Par exemple, il y a le mouvement suédois élaboré par Per Henrik Ling qui accentue l'importance des techniques physiques comme un moyen de perfectionner le corps. La gymnastique suédoise et le premier livre en anglais sur ce sujet publié par un physicien Matthias Roth, The Prevention and Cure of Many Chronic Diseases by Movements en 1851. Et ici, la méditation est intéressante comme technique de respiration. Et cet intérêt pour la méditation en tant que technique et de respiration ou de yoga, je pense, est lié à l'intérêt européen pour le corps sur l'angle médical et scientifique. À l'inverse, la méditation incarne la conception unitaire de l'individu mise en avant par la tradition indienne. Alors que cette technique est conçue depuis toujours comme une pratique spirituelle par les Indiens, pour l'Occident, la méditation devient une activité très fonctionnelle. Et par exemple, elle est aujourd'hui anti-stress, elle est mise en avant comme la recherche du bien-être physique, et on témoigne les habits, les tapis de yoga qui sont vendus dans des magasins comme des Decathlon, Go Sport. Donc il y a tous des accessoires et on ne trouve personne en Occident qui pratique la méditation sans un paraphernalia qui est très matériel. Elle n'est donc alors qu'un sport de fitness parmi tant d'autres. Or, le lien donc étroit entre le yoga et la méditation met en lumière le rapport étroit postulé entre le corps et l'esprit. Les deux ne sont qu'un en ce qu'ils s'inscrivent dans une conception holiste du corps, compris dès lors comme tout homogène. Physique et spirituel, la pratique réflexive de la méditation relève à ce titre d'un véritable souci du soi. Or, c'est justement cette unité inhérente à la pratique de méditation qui vient perturber les frontières entre le sport et la spiritualité en Occident. Et peut-être si le concept de méditation a pu être absent du dictionnaire de la religion, c'est parce qu'il conduit à redéfinir le concept même de ce qui est religieux en ne cantonnant plus ce dernier à la seule spiritualité. Bon, ben, ce sont des... messages reçus. Merci beaucoup. Messages reçus. Pas d'un expert, donc je vais... Un grand merci d'avoir fait la suggestion. Hein, parce que j'avais effectivement oublié que l'idée était venue d'un échange, hein, lors d'une réunion du dictionnaire pour la traduction. Et d'autant plus merci qu'on est rentré vraiment dans les détails d'une construction, d'une complexité dans ce jeu de rapport culturel qui est vraiment très très fascinant. Hein. Bien, mais écoutez, on ouvre la discussion sur l'exposé d'Arundhati, si vous voulez bien, et puis ensuite on passera au deuxième exposé et on aura une discussion plus large peut-être sur cette notion. Si quelqu'un veut intervenir, nous avons encore une minute, un quart d'heure, si vous souhaitez. Oui, facilement. Alors peut-être puis-je commencer si personne ne veut le faire avant moi. Tout d'abord, un grand merci pour cette présentation qui me fait d'ailleurs probablement réaliser que j'ai sans doute raté le coche dans la mesure où ce que j'ai pensé faire n'est pas véritablement une réflexion sur la façon dont on a construit ou dont s'est construit le concept ou la notion de méditation dans la tradition chrétienne ou judéo-chrétienne. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Plusieurs des choses que vous avez dites m'ont fait penser à des éléments d'observation que j'ai fait. Par exemple, je trouve tout à fait fascinant de voir que cette rencontre que vous avez évoquée et cette influence plus ou moins réciproque que vous avez constatée à travers les âges, depuis le XVIe, l'influence des jésuites, jusqu'au XIXe et XXe siècle, entre l'Orient et l'Occident, explique peut-être assez bien pourquoi, sur le plan sociologique des religions, pourquoi la catégorie méditation m'a paru, peut-être que je me trompe, hein, une des catégories religieuses qui se prête le mieux, en quelque sorte, à faire le trait d'union entre des formes et des pratiques religieuses orientales et occidentales, et qui se sont parfois exclues l'une l'autre. C'est particulièrement frappant justement avec la tradition jésuite, et non seulement donc aux époques que vous avez mentionnées, mais aujourd'hui même. Et cette fois, c'est plutôt du côté chrétien, en quelque sorte, qu'on va chercher à dialoguer ou à utiliser les ressources, disons, de l'hindouisme en particulier, ou oriental au sens général, pour nourrir et alimenter la méditation en monde chrétien. C'est assez frappant parce que j'avais relevé, parmi d'autres choses, un intérêt même académique pour cette question, Je ne sais pas si vous connaissez un recueil d'études qui a été publié à Paris et à Fribourg, en Suisse, donc, mon alma mater, en 1983, et qui s'intitule « Des bords du Gange aux rives du Jourdain », avec des contributions de Hans Urs von Balthasar, Louis Bouillet, donc des grands noms de la tradition jésuite du XXe siècle, Olivier Clément et d'autres, tout à fait significatifs. Mais il y a aussi plus proche de nous... Comment ça s'appelle, ce livre ? Ce livre s'intitule « Des bords du Gange aux rives du Jourdain ». Hein, des bords du Gange aux rives du Jourdain, 1983, Paris-Fribourg. Et c'est un recueil d'études proposant en quelque sorte un dialogue interreligieux, mais sous l'angle et la perspective propre à la méditation. En quoi, en quelque sorte, la tradition chrétienne, et à l'époque moderne, contemporaine, au XXe siècle, peut puiser... Au modèle ou aux pratiques supposément orientales. Bon, vous avez bien montré que dans le fond, ces pratiques sont largement retravaillées, construites et ont bénéficié même d'influences chrétiennes préalables. Mais c'est assez frappant ou intéressant, je trouve, d'observer. C'est une catégorie qui encourage, ou en tout cas qui est largement exploitée, en tout cas dans la tradition catholique, à ma connaissance, pour favoriser le dialogue. En cela étant dit, je dois ajouter, et j'ai un petit laïus sur la méditation et le magistère dans ma présentation, que je peux brièvement commenter maintenant en lien avec cela. L'ouvrage dont je parlais a paru en 1983. L'Église catholique, le magistère en particulier, n'ont pas tardé à réagir. Ça les a un peu inquiétés. On n'est pas surpris d'ailleurs que les cibles se retrouvent à nouveau être des jésuites, comme elles l'avaient été autour des années 50 avec l'école de Fourvière, etc. En 1989, le Vatican, je ne sais pas si vous connaissez ce document, a adressé une lettre aux évêques, de l'Église catholique, les mettant en garde en fait contre ce qu'ils considèrent un peu des abus dans l'intérêt pour les formes de méditation supposément orientales. Et en particulier, la lettre a été écrite, rédigée par Joseph Ratzinger, qui est le cardinal et préfet de la congrégation pour la foi, et co-signée par Jean-Paul II. Et alors, on redoute, ou on accuse dans ce document la méditation d'être une technique d'intériorisation, ici je peux peut-être citer ce passage, conduisant à une expérience, ça c'est un mot qui va beaucoup déplaire dans la tradition magistérielle, enfin au niveau du magistère, de son propre psychisme. Mais en aucun cas, elle ne permet de rencontrer le tout autre qui s'est fait proche en Jésus-Christ à travers l'incarnation, expérience qui seule serait authentiquement spirituelle. Ainsi, la méditation déboucherait sur une forme de vide et la différence du christianisme, à la différence du christianisme. Sans rapport à autrui, à l'autre, alors petit a et grand a, la méditation, explique Ratzinger et Jean-Paul II, conduit à une indifférence totale envers le monde. Alors, j'évoque ça aussi parce que on voit que bon, le mot expérience pose problème. On ne peut pas, en quelque sorte, admettre que l'expérience soit réduite à un phénomène psychologique, d'une certaine manière, et sans référence à la grâce, un élément central dans la théologie, à l'Esprit Saint, etc. Donc cette réduction passe mal. Mais j'ai un peu le sentiment que là, on voit une dichotomie entre la perception que des chrétiens peuvent avoir de la pratique de la méditation, et même donc des théologiens, des religieux, des chrétiens vraiment pratiquants intensément, peuvent avoir vis-à-vis des pratiques de méditation revues à la mode orientale, et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jésuites contemporains qui s'y adonnent, et puis le malaise ressenti par le magistère, par les institutions. Ce que j'ai dit là, en fait, du catholicisme se retrouve en partie plus modestement et de façon plus éclatée dans pas mal d'églises protestantes. Il y a eu des réactions dans le sillage de ce document de 1989, dans les églises protestantes, par exemple, de Norvège, etc. Il y a un malaise, François n'est pas là aujourd'hui, mais il y a un malaise entre ce type de pratique qu'on considère difficile à cadrer ou à encadrer, et le genre expérience mystique également, et le magistère. C'est une première observation que m'inspire votre présentation, il y en a d'autres. Oui. Oui, je ferai une remarque tout à fait dans la continuité de ce que vient de dire Jean-Michel, parce que sur le terrain dont je m'occupe en ce moment, qui est le terrain monastique contemporain, entre autres, alors on rencontre d'une manière extrêmement intensive cet intérêt, qui d'ailleurs marche dans les deux sens, avec une véritable institutionnalisation de la chose, puisqu'il y a même à travers un service spécialisé intermonastique, enfin le DIM, qui est une institution mise en place par en gros, auquel collaborent certains bénédictins et des cisterciens, pour développer justement ce type d'échange avec des accueils de moines ou de pratiquants de la méditation venant d'ailleurs, etc. Donc des échanges qui favorisent beaucoup d'échanges autour de ce thème de la méditation. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est la manière dont les frontières du monastère et l'expertise en matière de méditation, qui est supposée être celle des moines, les protègent du malaise en question. C'est-à-dire qu'eux vont extrêmement loin dans cette affaire, et d'une façon beaucoup plus libre que d'autres. Ça confirme tout à fait ce phénomène d'attraction dans lequel ce qui est en débat, c'est justement qu'est-ce qu'on rejoint par ces femmes. Qu'est-ce qu'on rejoint dans ces. Est-ce qu'on se rejoint soi-même ou est-ce qu'on. Mais avec, par exemple, le discours de désamorçage de la critique éventuelle, ça débouche sur le vide, c'est mais est-ce que, par exemple, dans la pratique de méditation qui peut être celle d'un moine chrétien, est-ce qu'en réalité, on n'est pas toujours en train de se rencontrer soi-même. Donc, la manière. Ce type d'échange revalorise considérablement le discours sur le discernement implique d'être mis en œuvre, quel que soit, il n'y a pas une espèce de garantie chrétienne qu'on ne débouche pas sur le vide et sur la contemplation de soi, on est tout à fait confronté au même problème. Alors c'est assez intéressant de voir que là on a une espèce vraiment de laboratoire de la rencontre dans lequel les choses se font. Peuvent être poussés d'autant plus loin que le dispositif monastique protège en quelque sorte du type de ce genre de ce que tu as qualifié de malaise. Ouais. Moi, je voulais revenir sur l'exposé de l'Arundhati sur plein de choses, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous ici, j'imagine. Tu as parlé de l'importance des textes. Et moi, je veux dire que là, ça fait tout de suite tilt par rapport aux choses qui m'intéressent, c'est-à-dire le monde juif, parce qu'il y a effectivement dans le monde juif une tradition. Alors, tu n'as pas employé le mot, enfin, je crois que je ne l'ai pas entendu, on n'a pas parlé de mystique. Enfin, c'est ce qu'on appelle la tradition mystique dans le judaïsme. C'est aussi une façon de relire les textes qui n'est pas celle qui a été promue par le courant majoritaire, c'est-à-dire rabbinique, talmudique, etc. Bon. C'est une autre lecture qui va chercher autre chose dans le tréfonds du texte, dans la lettre, dans la numérologie, dans toutes sortes de techniques qui sont très codifiées. C'est tout autre, justement. Bon, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que les textes auxquels tu as fait référence s'intéressent, je dirais, à l'objet ou à l'objectif de la posture visionnaire ou méditative, puisque tu as parlé de vision, est-ce que les deux se rabattent l'une sur l'autre, ou bien est-ce que ce sont deux étapes peut-être, et est-ce que la méthode est donnée par les textes pour atteindre, parce que tu as employé des termes qui sont, je dirais, quasiment qu'on retrouve quasiment à l'identique dans la tradition mystique juive. Sur l'oubli de soi, la contemplation, etc., le fait de. Et là, il y a l'absorption. Oui, quand tu parles dans ton glossaire, tu mets absorption dans un objet jusqu'à la fusion. Bah, c'est exactement la posture du visionnaire qui s'abîme dans la contemplation de la vision d'Ézéchiel. De l'unification, c'est la dévécoute, c'est-à-dire c'est la fusion. Ou le soi, et finalement l'autre avec un petit a ou l'autre avec un se confondent. On est dans quelque chose, finalement, on se perd pour arriver à autre chose que soi. Bon. Et je voulais savoir, alors, ce qui est très intéressant, et ça revient, ça rejoint l'historiographie que tu as tracée de cette tradition, c'est que ça a été enfin, le premier, le grand pionnier en la matière a été évidemment Gershom Scholem, qui a été celui qui a redonné une légitimité, une certaine légitimité même académique au courant ésotérique ou mystique juif. C'était de dire que voilà, on est là dans une tradition qui a été minoritaire, mais qui est en même temps complètement incluse dans le monde juif depuis les origines. Mais précisément, elle a été rabattue ou elle a été occultée, elle a été marginalisée, délégitimée, précisément parce que ce sont des pratiques non collectives, très individuelles, et finalement l'institution perd la maîtrise de ce chose. Mais en même temps, il y a un contrôle. Tu parlais de personnes déjà sages, etc. Il faut, pour pouvoir s'adonner à la cabale, puisqu'il s'agit de la cabale, entre autres, avoir déjà atteint l'âge de 40 ans, avoir été marié, avoir des enfants, etc. C'est-à-dire être déjà bien installé et dans la sagesse et dans la vie pratique et matérielle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de partir en vrille. On travaille sur soi, mais on a les pieds sur terre. Alors, je voulais savoir si on pouvait retrouver des éléments semblables, parce que j'ai l'impression qu'il y a de très très grandes similitudes, malgré les différences de terrain culturel. Il ne s'agit pas de faire du comparatisme comme ça. Mais des textes que j'ai cités sont des textes écrits par des gens qui sont très au courant, ils lisent, et donc... ça m'étonne pas qu'il y ait des similitudes, parce que des gens comme Vivekananda ou Ramon Roy, ils parlaient une dizaine de langues, ce sont pas des autodidactes, ils ont lu, et donc ils sont en train de peut-être de présenter les termes à un public pour le faire. Pour les rendre compréhensibles. Donc, je pense qu'il y a eu une sorte de un rapprochement qui était inévitable. Donc, en fait, il faut voir et tout ce qui a été écrit en anglais suit cette voie. Mais il faut voir donc dans d'autres traditions et dans d'autres langues. Par exemple, des textes qui sont pas si connus, le Vigyan Bhairav que j'ai cité, qui maintenant en fait sont repris par les Américains. Donc il y a une tradition, il y a des gens qui travaillent sur cette voie un peu dans la lignée de Woodruff. Et là, il y a peut-être d'autres termes qui commencent à avoir une légitimité différent que ces termes, mais le champ est fortement dominé par ce qui convergerait avec la tradition chrétienne. En hindouisme, le problème n'est pas du tout comme dans le christianisme, le poids de l'institution. Et c'est le problème avec les jésuites, ou le querelle autour des rites de Malabar, c'est le danger, oulala, ils se convertissent, ils oublient le but. En hindouisme, il n'y a pas de contrôle institutionnel. Il n'y a pas une voix unique, il y a une sorte de pluralité de voix, ce qui est très intéressant, puisque ça permet à presque une cacophonie. Et très riche. Donc je pense que il faut un peu regarder dans d'autres langues et dans d'autres types de textes, dans les traditions indiennes aussi. Pour l'instant, comme j'ai dit, c'est presque, j'ai presque gratté la... Oui. Oui, mais ça cadre bien quand même le questionnaire, parce qu'on voit bien qu'il y a une conjoncture méditation qui est une conjoncture de rencontres culturelles. Ouais. Et que cette conjoncture va poser des problèmes qu'une culture pose, qu'elle pense résolue dans l'autre, avec tout un phénomène d'aller-retour qui mérite d'être interrogé. Alors, au fond, on a été très, très spécifiquement orienté vers une conjoncture 16e, 18e, 19e, 20e, qui serait la conjoncture de la modernité. Ouais. Alors, moi, je ne veux pas anticiper sur le propos de Jean-Michel, mais là, ça pose la question de ce que la modernité qui est apportée par les jésuites, par exemple, qui va être véhiculée par eux, pose comme problème de vocabulaire, d'accès aux intériorités, et puis pose un problème capital que tu as amené dans la discussion, c'est la question de la dichotomie. Les rapports âme-corps. Alors, la question qui se pose à nous est de savoir si, effectivement, on fait correspondre le terme méditation à une conjoncture historico-culturelle particulière. Alors, comme il y a des médiévistes dans cette salle, c'est un petit peu une invitation au problème de la remontée, de l'adéquation des termes. Et comme vous avez travaillé dans un numéro de la revue d'histoire des religions sur ces questions, peut-être une invitation à remonter, mais je ne voudrais pas anticiper sur ce que Jean-Michel va nous faire. Non, je pense que ça c'est une question vraiment centrale, un peu la conclusion de votre propos, sur laquelle j'aurais bien aimé revenir, mais je crois que M. Fabre voulait poser une question. Juste quelque chose sur la question des qui me semblait important dans les éclairages réciproques que permettait votre présentation, c'est le fait que ce mot de méditation n'est jamais seul dans toute la littérature spirituelle moderne de Jésus, à François de Sales en particulier, le couple méditation-contemplation est vraiment capital. Or, dans votre exposé, la méditation apparaissait comme un terme beaucoup plus englobant. Et du reste, vous avez fait référence à Descartes au début, et Descartes est d'une certaine façon celui qui rompt ce couple en intégrant la dimension contemplative à l'intérieur même de la méditation discursive sous la forme de l'idée claire et distincte qui est la contemplation à l'œuvre dans la méditation. Mais là, c'est le moment où Descartes rompt avec la méditation jésuite qu'il connaît pourtant très bien, comme on sait. Mais sinon, ce couple méditation-contemplation est vraiment un couple très... Et en deçà même du contrôle magistériel, c'est vraiment une sorte de contrôle... C'est le contrôle de la discursivité sur l'intuition, c'est tout ce couple que François Sales appelle le couple du manger et du boire. La méditation, c'est on mange par morceaux, la contemplation, on boit tout d'un coup. Tout ce rapport qui est... Et il est très rare que la méditation apparaisse dans cette littérature indépendamment de ce de contemplation. Mais justement, si ça n'apparaît pas autrement que dans ce couple méditation et contemplation, est-ce que c'est pas parce qu'au fond, il y a une homothésie très forte entre corps-esprit, méditation qui serait du côté du corps et des techniques en quelque sorte, et contemplation qui serait le moment de l'accomplissement, et puis qui aujourd'hui se dit autrement dans la différence entre les pratiques et l'objectif. En fait, il y a là toute une série de couples. Ce qui m'intéresse par exemple beaucoup dans la conjoncture monastique ultra contemporaine que j'évoquais tout à l'heure, c'est que précisément ce que répond un moine qui pratique le yoga à qu'est-ce que ça vous donne de plus, il répond c'est ce qui me permet précisément de dépasser l'antinomie pratique-objectif, c'est-à-dire que l'objectif, on ne sait pas ce qu'il est, mais du même coup, on réalise que les pratiques et le fait de se fier à des pratiques et de mettre en œuvre ces pratiques permet justement de faire émerger au milieu, par la pratique elle-même, ce qui est en jeu dans cette pratique. C'est le cas de résidence. Autrement. Oui. Et autrement dit, c'est la manière dont on fait advenir, et finalement, eux, ils récusent totalement le discours du magistère sur le malaise en question, en disant, mais c'est finalement, c'est à travers cette manière de dépasser ce couple que finalement apparaît ce qui est, c'est que tout est grâce. C'est-à-dire que si on accède à la contemplation, c'est par grâce. Donc voilà. Et ce qui m'a frappé, c'est de retrouver à propos de l'ascédie monastique et de la manière de dépasser le stade morose, etc., la grande recommandation qui est continuer à poser les gestes, c'est-à-dire continuer à poser les pratiques. Continuer à poser les pratiques parce que précisément, rien ne dit que c'est par les pratiques en tant que telles, comme des moyens, qu'on va accéder à l'objectif, mais finalement l'objectif se donnera à travers cette manière de se fier à des pratiques. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'intérêt pour la le yoga, etc., dans les monastères aujourd'hui, est très largement mis en rapport avec ce discours sur la manière de sortir de l'espèce de sécheresse de la contemplation. Excusez-moi, j'avais une petite question. On a beaucoup parlé du rapport entre corps et esprit. Je voulais savoir la différence qu'il peut y avoir entre méditation et transe, qui sont toutes les deux des façons de transcender le corps finalement. En fait, le mot transe est souvent utilisé pour par les voyageurs européens et des gens qui décrivent, dans la littérature indienne, des textes que je trouve qui parlent de méditation, le mot transe apparaît moins fréquemment. Il est plus oui, par exemple, quand on parlait de Ramakrishna, le maître de Vivekananda, qui était quelqu'un, comme j'ai dit, pas du tout lettré. Et donc, pour ces figures comme ça, le mot trans revient souvent, il est utilisé. Mais dans ce processus, Mircea parlera par exemple de en stase. Ah oui, voilà. Ça c'est un du Ramakrishna, pas extase, oui. Mais au lieu de extase, par opposition avec l'extase. Oui, tout à fait. Oui. Donc pas trans. Tout à fait. Dans la tradition soufie, par exemple, ce mot revient. Mais au 19e siècle, une distinction très nette apparaît entre la méditation hindoue et la méditation soufie. Et dans ce processus de bien distinguer les deux, il y a un choix de vocabulaire aussi qui est fait. Donc les mots comme transe ou extase, etc., ça c'est quelque chose que les auteurs indiens ne veulent pas trop utiliser parce que ça les met en position inférieure. Tout le but c'est de... Donc effectivement des mots comme ça et d'autres encore qui font partie de la tradition de méditation sont écartés. Mais il faudrait voir d'ailleurs à partir de quel moment on mobilise ce vocabulaire-là. Moi, j'avoue que je suis très très incertain, parce que les réalités qui sont recouvertes sont pas du tout de la même nature. C'est toute la question de la sortie de soi. Donc, je ne sais pas du tout là, dans les jalons qu'on pourrait faire de l'utilisation des vocabulaires. À partir de quel moment est-ce que on se met pour moi, c'est assez clair dans le contexte des sciences sociales naissantes. Peut-être Marion pourrait dire quelque chose. Je disais simplement que ça a été quand même beaucoup travaillé, cette différence entre extase et transe, par les anthropologues, dont Gilbert Rouget, qui a écrit ce livre « La musique et la transe », où il montre comment les conditions d'apparition de la transe sont spécifiques et celles de l'extase sont différentes. C'est-à-dire. Deutsch également. Deutsch, bien sûr, je veux dire, c'est venu. Il a consacré un livre à ça. C'est en général venu à travers les africanistes, les américanistes, les anthropologues. Et ça a été quand même. Comment et tous les chercheurs sur le chamanisme. Oui, bien sûr aussi. Oui, et quand je dis les américanistes. Oui, oui. Oui. Très au nord, tu les sais. Non, en Amazonie. En Amazonie aussi, oui, bien sûr. Donc, ce sont quand même des conditions, tout à fait, des conditions d'induction de l'extase ou de la transe qui sont complètement différentes. Mais par exemple, ce que dit Gilbert Auger, c'est que l'extase, en fait, est quelque chose qui se présente plutôt en milieu chrétien, en milieu occidental, disons, mais surtout, pour l'induction de l'extase, il faut le silence, l'isolement, la tranquillité absolue, et que bon, c'est qu'il se base sur Sainte Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, etc., et que c'est cette dynamique-là qui amène les gens à des états qui sont des états modifié de conscience. Tandis que dans la transe, justement, ce qu'on a pu remarquer à travers tout ce qui a été étudié aussi bien en Afrique que dans les Amériques d'un côté ou de l'autre, c'est que justement pour l'induction de la transe, il faut du mouvement, du bruit, c'est le corps qui rentre en jeu. Donc là, on a vraiment complètement cette différence entre l'élévation de l'âme, on retombe sur la dichotomie dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont vraiment des contextes culturels qui font advenir les états modifiés de conscience à partir d'éléments complètement différents, mais qui sont des éléments culturels, tout à fait. Enfin, il y a une ample littérature là-dessus. Alors, il y a un autre mot qui me vient en vous écoutant, la différence entre extase, transe, mais si ce ne sont pas des mots qui sont utilisés si souvent, il y a un autre mot qui fait un peu un pont, c'est le mot kriya. Et donc, kriya est un mot qui explique donc, tous les mouvements du corps, qui peuvent arriver, et dans ces textes qu'on lit, on parle souvent des kriyas lors de la méditation, qu'on peut faire prendre des postures corporelles extrêmement presque impossibles, produire des sons. Et donc ça, c'est ni transe ni extase, c'est décrit comme kriya. C'est K-R-I-Y-A. Et actuellement, en fait, si on revient au moment contemporain, puisque la méditation est quelque chose de très pratiqué en Inde. Enfin, je n'ai pas de statistiques, mais c'est plus facile qu'un Indien admet aujourd'hui, enfin certains Indiens admettent aujourd'hui qu'ils pratiquent la méditation plutôt que de vous dire je suis pratiquante hindoue ou je suis pratiquante. Parce qu'avec la montée de mouvements intégristes, on a un peu les Indiens un peu. Dans les contextes urbains, ils ne diront pas que je suis pratiquant hindou, ils diront plus facilement je fais la méditation. Et dans cette pratique, parce qu'il y a beaucoup d'ashrams, etc., et là, le vocabulaire qui est très réellement utilisé, c'est le vocabulaire de kriya. Qui peut couvrir des choses. C'est un autre aspect qui est intéressant. C'est l'euphémisation par l'usage du mot méditation, alors là, dans la conjoncture la plus contemporaine, l'euphémisation de l'affiliation confessionnelle que pourrait éventuellement impliquer le fait de pratiquer telle ou telle affaire de ce genre. Donc dire je médite, c'est beaucoup plus facile que de dire je suis religieux. Pas seulement vrai en Inde, c'est vrai partout. Enfin, c'est une espèce d'euphémisation. qui est aussi liée à l'individualisation et à la subjectivisation de la pratique. Oui. Ça, c'est depuis 30 ans. Oui, oui. Moi, note ça. C'est bien bon. Oui. C'est l'intervention. Petite question en fait. Et votre intervention et la discussion entre la trans et d'autres concepts, est-ce que l'écriture comme un fait, comme une réalité, est-ce que ça c'est un élément fondamental du concept de méditation lui-même? Parce que d'après votre exposition, c'est vraiment dans les rencontres des écritures qui a eu lieu, des dialogues entre des concepts différents pour arriver à définition de méditation. Et est-ce que, par rapport aux autres concepts, la transe, l'extase, est-ce que vraiment le fait de parler des cultures, des populations qui pratiquent l'écriture et qui ont une culture d'écriture, ça pèse beaucoup dans la propre définition que les sciences humaines ont aujourd'hui de la méditation? Est-ce qu'il y a d'autres, par exemple, dans la bibliographie, la production des sciences sociales, sciences humaines, qui parlent de méditation dans des réalités, dans des groupes sociaux qui n'ont pas les traductions écrites, hein. Même, par exemple, chez les... je pense aux ça me manque le mot en français, le... ceux qui suivent une religion de spiritualité, d'Alain Kardec, le spiritisme. Voilà, là c'est assez intéressant, je pense, il me semble, parce que c'est en même moment, on ne parle pas beaucoup de méditation, il y a l'écriture, elle est fondamentale, on parle de transe, donc les seuls cas qui me semblent un peu limites dans ce que je disais, c'est le spiritisme, je ne sais pas, c'est finalement une question. Mais à la fois, de la méditation, de la culture, mais pas un élément fondamental. Oui, en fait, j'ai lu pas mal d'articles depuis, et c'est très curieux parce que même beaucoup écrit par des pratiquants, et donc ils entrent par d'autres biais, c'est vraiment. Par la participation, ils font référence à d'autres textes aussi. Donc, dès qu'on lit un article sur ce sujet, hein, qu'il soit publié, il y a une tradition textuelle qui intervient. C'est vrai qu'on... lisant ces différents types de littérature, aussi bien sur le bouddhisme que sur l'hindouisme et sur la méditation, c'est compliqué de discerner entre différents registres de lecture. Et c'est très... parfois, on a l'impression, voilà, on a pied, et tout d'un coup, on va perdre pied. On passe d'un registre à l'autre. C'est un petit peu problématique dans le traitement de littérature actuelle. Et je pense qu'une sorte de... quand on lit ces textes sur la méditation actuellement, ça pose de différents types de questions. Oui, moi je voulais juste reprendre là, par rapport au spirite. Il me semble que la valence du texte chez les spirites est à deux niveaux, parce que d'une part, ils ont des livres sacrés, hein, ceux qui ont été écrits par Alain Kardec, que l'on apprend, que l'on étudie énormément. Mais d'un autre côté, il y a un autre type de texte qui est très important, qui est celui qui est inspiré par les esprits. C'est-à-dire celui qui, parce que les gens sont dans un état de conscience différent, fait qu'ils font de l'écriture automatique. Donc ces textes-là, par exemple ceux qui ont été écrits par Chico Xavier, deviennent, disons, des éléments qui sont des éléments de la construction même de toute la, je dirais, pas la théologie, parce que c'est pas de cet ordre-là, mais de la tradition spirite, au moins en Brésil, parce qu'en France, ouais. J'ai lu des livres écrits comme ça, on dit toujours, voilà, ce livre a été écrit en 12 jours sur l'inspiration. Mais ce sont aussi des livres qui ont été écrits par des gens en réponse à une demande de leurs disciples qui viennent de partout. Donc ils ne sont pas dans une communauté close d'une culture, mais c'est extrêmement international. Mais là, c'est pas tout à fait du même ordre, parce que ce sont quand même deux niveaux. Il y a le niveau du réel et le niveau de l'au-delà, où se trouvent tous ces esprits qui inspirent les médiums. Donc c'est quand même un autre type de rapport à l'écriture, justement. C'est-à-dire qu'en principe, les gens qui écrivent, c'est pas une inspiration qu'ils ont eue à un moment parce qu'ils sont nourris par d'autres êtres humains dans le monde entier, mais c'est une inspiration qui a à voir avec ce qu'on a appelé dans un de nos ouvrages avec François Laplantine, la communication généralisée. C'était la communication généralisée entre les êtres humains, mais aussi entre tous les esprits qui sont dans les terres. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait spécifique à cette religion-là, et qui au départ n'était pas considérée comme une religion par Allan Kardec, mais comme une philosophie religieuse, mais qui est devenue, au Brésil en particulier, qui est devenue une religion. Bien, on va peut-être passer au deuxième exposé, parce que là, on a beau avoir du temps, la montre tourne. Oui, tout à fait. Et ensuite, on pourra reprendre éventuellement. Oui, et dans le fond, comme je ne suis pas absolument tenu de suivre exactement le plan de présentation que j'avais à l'esprit, j'aimerais peut-être immédiatement rebondir, c'est plutôt vers la fin de ce que j'avais préparé, mais sur la question de la dichotomie. Et très honnêtement, c'est un énorme sujet, donc je profite du caractère assez informel de cette séance et très libre, puisqu'on peut parler librement entre nous, c'est merveilleux. Je me demande s'il ne faudrait pas déconstruire aussi ce concept, toute cette idée de dichotomie âme-corps, âme-esprit, et surtout la dichotomie qu'on voit entre la façon dont l'Orient aborde la chose et la façon dont l'Occident, et en particulier l'Occident chrétien, aborde la chose. Là, je parle vraiment de manière très très libre, et c'est un point qui me tient particulièrement à cœur. J'ai l'impression, et là, je fais appel aussi aux spécialistes de la tradition chrétienne pour éventuellement me contredire, apporter des nuances, des compléments. J'ai l'impression qu'il y a une assez grande méprise sur la façon dont la tradition chrétienne, globalement, parce qu'on a tendance justement à parler au singulier alors qu'il faudrait probablement l'envisager au pluriel, entrevoit le rapport âme-corps. On insiste presque toujours sur la dichotomie, sur la séparation, sur le fait en quelque sorte que l'homme est divisé entre un corps et une âme ou un esprit. Et ce qu'il y a de frappant quand on étudie par exemple la tradition monastique ancienne relative à la méditation, ce que j'ai fait un petit peu pour cet exposé, c'est que dès Jean Cassien, dans la tradition hésychaste en général, donc ce mot qui signifie repos parmi d'autres choses, on insiste plutôt sur une anthropologie non-dualiste, c'est-à-dire sur le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu, Genèse 1, 26, et que dans le fond, cette idée de l'unité en fait de l'homme est renforcée dans la tradition chrétienne par l'incarnation, par le fait que Dieu s'est fait homme, et donc que le corps n'est pas à considérer exclusivement comme négatif. Et là, il y a vraiment, une fois de plus, je suis ouvert à des commentaires, je crois qu'il y a une méprise dans l'historiographie du christianisme, une méprise très très générale qui est liée à l'influence prépondérante et naturelle, si on peut dire, d'Augustin, le grand saint Augustin, mais pas seulement, bien entendu, qui hérite qui synthétise un double héritage, l'héritage platonicien et le platonisme défend une certaine forme de dualisme qui n'est pas un dualisme absolu, mais on connaît le fameux jeu de mots du Kratil, soma sema, donc le corps est une prison pour l'âme, qui a probablement des origines orphiques, les fameux mystères sacrés dont vous parliez tout à l'heure dans votre exposé, ou plutôt que critiquer Max Müller, ou le rapprochement avec les traditions orientales qui étaient critiquées par Max Müller. Et donc cette tradition platonicienne qui a une tendance quand même assez naturelle à dévaloriser la composante matérielle, la composante physique corporelle en quelque sorte du composé humain. Et puis alors l'influence très très forte manichéenne, quand bien même Augustin a combattu le manichéisme, qui est probablement la forme la plus absolue de dualisme. Il a été membre de la secte de l'église manichéenne pendant 9 ans, et il en est profondément et durablement imprégné. Et quand bien même il l'a combattu, ses écrits, en fait, je trouve, transpirent quand même des traces de ce dualisme. Et il me semble qu'une partie de la tradition occidentale, enfin chrétienne occidentale, porte cet héritage, hein, mais que parallèlement à cela, et en particulier dans les formes d'origine orientale, mais qui ont précédé l'Occident latin, une autre forme d'anthropologie beaucoup plus positive a été mise en valeur, notamment, comme je disais, par Cassien, qui fait véritablement le lien entre le monachisme oriental et le monachisme occidental, par sa migration en Occident et par l'influence de ses écrits très très importants, et qui corrige d'une certaine manière la vision augustinienne. Je pense que toute la chrétienté n'arrivera pas véritablement à se débarrasser de ces deux, enfin de cette opposition dans l'approche ou la vue, la vision de du rapport du composé corps-âme. Et à cet égard, je me demande justement si une certaine idéalisation que l'on retrouve même chez des gens donc tout à fait formés et éduqués à l'histoire du christianisme, l'histoire de la théologie, face à la tendance, comment l'aviez-vous qualifiée là, de unitarienne, quelque chose comme ça, je crois. Oui, c'est ça, conception unitaire ou holistique, on peut utiliser ce terme-là, l'holistique du composé âme-corps n'est pas en partie justement idéalisée et n'occulte pas, et n'oublie pas toute une tradition du monachisme chrétien. Et qui, je le répète, a ses origines, bien entendu, d'abord en Orient, mais qui a ensuite pénétré aussi la tradition chrétienne. Peut-être y reviendrai-je tout à l'heure également, en lien avec ce que j'ai prévu faire. Il y aurait aussi quelque chose d'important à dire en rapport avec votre exposé sur le marché, en fait, du spirituel et de la méditation dans lequel nous vivons. C'était aussi une remarque que vous faisiez à la fin de votre présentation. Je crois que c'est ce qui rend le traitement de la méditation si difficile. Vous venez aussi de le rappeler. En fait, cette notion de méditation, c'est une notion qui pourrait assez facilement décourager l'analyse, parce qu'elle semble renvoyer à quelque chose d'assez flou. Donc, je commence par quelques considérations très préliminaires et très générales. Un concept flou, malléable, un peu fourre-tout, si je puis dire. Il est associé à des idées de réflexion, de concentration mentale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il renvoie aussi parallèlement, et là je pense à la signification ou aux significations multiples du mot pour tout un chacun, aux univers de la rêverie ou de l'intériorité. Donc le mot, comme vous le disiez très justement, glisse comme ça d'un registre à l'autre et il devient presque insaisissable à force d'être ondoyant et divers. Et on est obligé donc de faire un travail probablement historique pour voir comment le terme évolue à travers les siècles. En plus, je crois qu'on peut dire, en guise aussi un peu d'introduction, que la signification, je crois qu'on s'en est aperçu, du mot méditation a changé, parfois même très radicalement, très profondément, en particulier, je m'adresse là, je pense au monde chrétien, au cours des dernières décennies, et en partie en raison de la popularité grandissante des techniques de méditation supposément venues de l'Orient, mais en fait c'est peut-être un retour, et de l'intérêt aussi croissant des sciences cognitives, médicales et autres pour les pratiques méditatives et de leurs effets supposés, vous en avez évoqué quelques-uns, sur la psychologie humaine, faire de la méditation pour retrouver un bien-être, etc. Ce qui va être objet de débat chez les défenseurs de formes de méditation jugées plus nobles, en fait, plus profondes. Donc il n'est pas du tout certain que le mot de méditation tel qu'entendu aujourd'hui cadre parfaitement avec la méditation chrétienne et philosophique traditionnelle, qui était assez fondamentalement, je crois, centrée sur le contenu de la méditation thématique, scripturaire, centrale ou dévotionnelle, que sur l'idée de technique proprement dite, même si il faut tout de suite ajouter que les aspects techniques ne sont jamais tout à fait absents des pratiques méditatives chrétiennes et même les plus traditionnelles, et notamment celles auxquelles je pensais quand je faisais allusion à cette anthropologie unitaire ou unifiée du composé humain, Jean Cassien, Jean Climac et cette tradition-là. La technique joue son rôle, on va le voir comment, sous la forme en quelque sorte de la répétition constante de paroles, de l'écriture, etc. etc. J'aimerais aussi partir d'un constat très très général, ou un autre constat très très général, cela a été dit un tout petit peu, je crois, par Dominique en introduction. La méditation qui nous intéresse ici, c'est peut-être plus la méditation religieuse, peut-être philosophique en partie, mais il n'y a pas qu'une méditation religieuse, c'est vrai. Il y a cette méditation philosophique, on a évoqué la figure de Descartes, on pourrait ajouter même de Biron, ou Searle, qui, au XXe siècle, reprend cette idée. Mais il y a également, et je crois que vous y faites allusion dans la notice prière, la méditation poétique. C'est assez important. Il y a un très très beau texte de Paul Valéry qui s'intitule « Méditation avant pensée ». Le rapport avec la pensée ou la réflexion, c'est très très important. Les élégies de Duino, chef-d'œuvre de la poésie allemande de Rainer Maria Rilke, Pierre-Jean Jouve, etc. Et puis peut-être, pour ne pas être circonscrit à notre univers occidental, la magnifique conférence des oiseaux de Farid al-Din Attar, qui est un poète persan du XIIe siècle, traduit en français, etc. etc. Dominique a évoqué la méditation musicale. Alors, je ne suis pas musicologue, mais me permet quand même de faire ici allusion à un genre musical particulier du XVIIe siècle, ou en tout cas qui semble apparaître du XVIIe siècle et s'imposer. Ce sont les méditations de Marc-Antoine Charpentier. Alors peut-être ici, puis-je juste ouvrir une toute petite parenthèse, parce qu'il va falloir probablement à un moment donné aller un peu vite. Je crois que votre exposé, votre travail de reconstruction historiographique, comme le mien, et enfin des travaux d'autres gens, montre que le XVIIe siècle est véritablement un tournant. XVIe, XVIIe est un tournant, et on peut probablement dire d'ailleurs que le XVIIe siècle est un peu l'âge d'or de la méditation dans la tradition occidentale, et notamment parce qu'elle devient un genre, ça commence bien plus tôt avec Anselme, etc., mais pratiquement un genre littéraire en soi. Donc il y a une méditation poétique, méditation philosophique, méditation musicale. On peut penser, entre parenthèses, à la fameuse méditation des contes d'Hoffmann, de Massenet, pure merveille. Mais il y a aussi, et M. Fabre connaît ça bien mieux que moi, une forme de méditation visuelle, picturale. Alors on peut penser aux philosophes en méditation de Rembrandt. Je rappelle des choses comme ça auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais qui sont bien connues de tous. Même, d'une certaine façon, les saints Jérôme en prière, ou la personnification de la mélancolie, ça va peut-être bien au-delà de la méditation, mais elles adoptent une position, une pose, une attitude qu'on qualifie très volontiers, soit superficiellement, soit avec profondeur, de méditative, n'est-ce pas ? Et puis, Et c'est aussi un thème cher à la peinture du 16e, 17e, 17e en particulier, les peintures de vanité. Vanité, méditation sur, d'une part, la vanité du savoir, ou plus exactement peut-être de l'accumulation des connaissances, sur l'inéluctabilité de la mort, c'est le memento mori, qui est aussi d'ailleurs très... très présent dans certaines formes de philosophie et qui est largement inspiré du livre de Coëlette, évidemment. Entre parenthèses, en allemand, on a, puisqu'on peut composer des mots avec aisance dans cette langue, la description ou l'interprétation d'une œuvre d'art reçoit le nom de Bildmeditation. Donc, une méditation d'image, pourrait-on dire. D'accord ? Donc ça, c'est assez important, à mon avis, dans ces remarques un peu générales. Alors, je n'ai pas fait un travail de déconstruction. J'aurais plutôt tendance à vouloir construire l'objet méditation à partir, et ça, ça trahira mes origines philologiques et historiennes, ou historiques, c'est à partir du mot, à partir de l'étymologie. Je trouve que on a beaucoup à apprendre de cela, et c'est presque inévitable, et je pense que Dominique est tout à fait aussi de cet avis. Donc, rappelons peut-être simplement que le mot « méditation » de notre français vient du latin « meditari », qui est en fait le fréquentatif, donc l'idée de répétition est déjà présente là-dedans, de « medeor mederi », qui signifie, les mots là ont un poids, à mon avis, très important, « prendre soin », soigner littéralement, et c'est intéressant parce que c'est exactement la même racine qu'on retrouve dans remède, dans médecin, ça n'a l'air de rien. Alors comment dans la méditation ? Eh bien par un souci d'attention, par un souci d'attention. Et le verbe grec que traduit justement meditari, c'est meletao ou meletan à l'infinitif, qui exprime une idée tout à fait analogue, prendre soin, s'exercer à, mais aussi, j'aime beaucoup cette idée, prendre à cœur. Je ne sais pas si vous me contredirez, mais je crois qu'en sanskrit, une des possibilités de rendre l'idée de méditation serait le verbe bhavana, qui signifie cultiver, notamment utilisé pour cultiver la terre, mais certains sanskritistes sont allés jusqu'à établir un rapprochement avec cultiver l'esprit, n'est-ce pas ? Et établir un parallèle étymologique avec le mot bios en grec, qui signifie donc la vie. Donc méditer dans ce sens-là signifierait habiter pleinement la vie, ou créer un lien de familiarisation avec son être intime, cultiver son existence. Mais là, je mets ça un peu en suspens. J'en ai discuté avec un ami sanskritiste qui m'a soufflé l'idée. En anglais, je pense important peut-être de le signaler, surtout dans la perspective des indispensables ou de projets de traduction de votre dictionnaire dans d'autres langues. Le mot méditation est souvent rendu par un autre très très beau mot qui est mindfulness. Hein ? Et on a parfois du mal à le traduire bien en français. On le traduit plus fréquemment par simplement pleine conscience, mindfulness. Mais en réalité, littéralement, c'est la plénitude d'esprit. L'esprit pleinement présent, présent à lui-même. Et pour exprimer l'activité de l'esprit, on a trois notions qui se renvoient l'une l'autre, mais qui ont, en latin en particulier, une connotation extrêmement concrète. Et je le dis par anticipation, parce qu'on verra que dans l'usage scripturaire des mots qu'on traduit par méditation, méditer, etc., on a aussi cette dimension vraiment très physique, très corporelle, très charnelle. C'est pour ça que la question de la dichotomie est un peu dangereuse. Alors pensons au mot « penser », qui signifie littéralement « peser », n'est-ce pas ? « Pensare », « peser ». Réfléchir, qui signifie tourner à nouveau, réflectere, tourner à nouveau, donc retourner, et puis évidemment méditer, comme on l'a dit, donner des soins. Donc les trois images pour rendre ou exprimer les activités de l'esprit suggèrent une application voire une opération de précision quasiment chirurgicale. Et l'étymologie du mot méditer en particulier souligne l'implication personnelle et on pourrait presque dire affective du sujet. Et le grec exprime en fait la même idée. On peut peut-être juste ajouter exercice, mise à l'épreuve ou mise à l'essai. Mise à l'épreuve ou mise à l'essai. Alors, malgré un certain éclatement du sens du mot méditation, comme je le disais, comme ça a été remarqué préalablement par tout le monde, au cours des dernières décennies, on peut quand même repérer une certaine forme de continuité dans le sens où l'on constate une importance croissante et de plus en plus croissante du facteur intellectuel. Vous avez parlé à un moment donné de cet élément rationnel, discursif et rationnel. On a une importance croissante de la dimension intellectuelle ou réflexive de la méditation chrétienne au cours des âges. Et ça semble vraiment être spécialement le cas. Je pense que l'apogée, c'est pour ça le 17e. Mais ça commence très vraisemblablement plus tôt. Et continuité aussi dans le sens où la source ultime de toute méditation chrétienne se trouve dans l'écriture, avec un grand « et », ou en lien étroit avec elle. Et là, je suis obligé de passer par cette étape-là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais on peut difficilement déchiffrer l'histoire de la méditation chrétienne sans franchir le seuil du livre, et parce que c'est la bibliothèque par excellence des méditatifs, des méditants. Alors, dans la Bible hébraïque, mettant un petit peu là-dessus, dans la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament, l'idée de méditation, vous me corrigerez, madame, à tout hasard, est exprimée par des termes qui appartiennent principalement à la racine haga, rendue le plus souvent par, en grec, dans la Septante par exemple, meletan, justement, meletan, ou en latin par meditari ou meditatio. Alors la racine hébraïque signifie littéralement murmurer à mi-voix. C'est très, très, très beau comme image. Et elle est employée pour désigner toutes sortes de choses. Aussi, de façon plus brutale, des cris d'animaux, mais plus généralement quand même pour le pépiment d'hirondelle, le gémissement de la colombe. Donc, un son relativement doux, ou en tout cas, qui n'est pas trop bruyant. On remarquera aussi son intérêt dans la réflexion menée par les anthropologues ou même Marcel Mauss, technique du corps, l'importance, le siège de la méditation, ou l'organe de la méditation, c'est la gorge, le larynx, et la respiration y joue un rôle tout à fait central. La composante donc auditive, corporelle, est extrêmement centrale. Alors, le juste dans la tradition vétérotestamentaire ou de la Bible hébraïque, c'est celui qui murmure. Les Bibles hésitent souvent à traduire « murmure » ou « médite ». Enfin, les Bibles françaises, excusez-moi. Donc, la Torah, jour et nuit, comme le proclame, par exemple, très solennellement Josué 1,8, qui serait probablement le texte le plus ancien, je me permets de citer « Que le rouleau de cette loi soit toujours sur tes lèvres, médite-le ou murmure-le, jour et nuit, afin de veiller à agir, suivant ce qui est écrit. » Donc il y a l'idée de la conformité, en quelque sorte. Et puis, évidemment, peut-être encore plus fameux comme texte, et plus fondamental, peut-être même dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne, c'est le psaume 1. Heureux l'homme qui se plaît dans la loi d'Adonai et qui murmure sa loi jour et nuit. Un tel homme récite et répète, il savoure, il mange, vous avez utilisé ce vocabulaire brièvement tout à l'heure, à satiété, non sans gourmandise. Donc la méditation est perçue à travers cet héritage biblique comme un banquet spirituel, comme une mendication. Alors là, on peut reprendre même le jargon de certains anthropologues, la mendication de la parole. Ici, je pense, mais je n'ai pas de compétences pour élaborer sur le sujet, à l'une des catégories utilisé par Marcel Jouss dans son Anthropologie du geste. Et le deuxième tome de cette anthropologie s'intitule précisément La manducation de la parole. Pour lui, il insiste sur le phénomène de buccalisation et sur le phénomène de mémorisation. C'est très très important cet aspect de la mémorisation, parce qu'on va le retrouver dans la tradition byzantine ultérieure, notamment à travers le mnémé Theou ou le mnémé tout Theou, c'est-à-dire rappelle-toi de Dieu, hein, fais mémoire de Dieu. Donc il n'y a pas seulement le memento mori, comme on l'a vu avec les vanités dans certaines expressions artistiques, mais il y a simplement aussi le memento, enfin Dieu, hein, c'est très très important. Alors la composante corporelle, physique, buccalisation, mémorisation, mémorisation d'un enseignement. Alors, Jouss utilise un mot terriblement difficile, intususceptionné, hein, donc un enseignement qu'il faut intususceptionner. L'intususception, c'est un terme du langage des physiologues, et qui veut dire l'absorption complète. Alors, il a créé ce néologisme pour aboutir à une communion entre l'enseignant, Dieu, et l'enseigné. Là, on rejoint aussi les expériences mystiques auxquelles vous faisiez allusion, la tradition juive. Dans l'écriture, la pratique de ce que l'on appelle la méditation, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, est décrite en termes très très concrets, et ça va très loin, puisqu'elle est exprimée dans des passages où on compare la méditation littéralement à la rumination des animaux. Donc ruminer un texte, hein, on le dira métaphoriquement. Et on a deux textes de la Bible très très explicites à ce propos. Dans le Lévitique 1.3 et Deutéronome 14.6, les ruminants sont classés parmi les animaux purs, contrario des autres. Et il faut savoir que cette idée a été reprise et intégrée peu après dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne. On trouve par exemple dans la fameuse lettre Aristée une élaboration sur ce sujet. Et dans un texte qu'on pense plutôt être chrétien, l'épître de Bernabé, mais qui pourrait avoir aussi un arrière-plan judéo-hellénistique, un texte donc écrit en grec autour du IIe siècle, peut-être même la première moitié du IIe siècle, ce texte-là établit une correspondance absolument explicite entre la méditation, l'acte de méditer, et ces deux péricopes vétérotestamentaires. Et l'auteur utilise le verbe mélétaon et le substantif mélété. Je peux juste peut-être brièvement citer « Manger de tout ce qui a le sabot fourchu et qui rumine », ça c'est le texte biblique. Que veut-il dire par là? Qu'un tel animal, quand il reçoit sa nourriture, connaît, et alors on sait bien le sens très fort de connaître dans le langage biblique, celui qui le nourrit, et trouve visiblement en lui sa joie quand il se repose. La formulation du commandement est particulièrement heureuse. Que veut-il dire? Attachez-vous à ceux qui craignent le Seigneur, qui méditent, mélétonton, dans le cœur sur le sens exact de la parole qu'ils ont reçue, à ceux qui enseignent les commandements du Seigneur, qui les gardent, qui savent que la méditation, mélété, est un joyeux exercice et qui rumine la parole du Seigneur. Cet élément de joie ou de bonheur, hein, dans la répétition de la parole est une dimension, je crois, qu'il faut aussi conserver, ou disons garder à l'esprit, qui est importante pour comprendre aussi certains développements ultérieurs. Alors, je ne vais pas vous abreuver de trop nombreuses références, mais cette idée-là, ce rapprochement entre les deux péricopes bibliques et la tradition paléochrétienne, se retrouve après l'épître à Bernabé, Clément d'Alexandrie, fin du 2e, début 3e siècle, dans plusieurs textes, et même au 6e siècle avec Barsanuph de Gaza, qui recourt exactement à la même comparaison, hein, entre... Entre-temps, du côté occidental, Augustin a aussi fait sien cet héritage, et on ne s'étonnera pas que ça se trouve dans l'exposé, les commentaires sur les psaumes, une œuvre immensément longue, psaume 36, « Lorsque tu écoutes ou lis, tu manges, Lorsque tu médites et ce que tu viens d'entendre ou de lire, tu rumines afin d'être un animal pur et non impur. Cette comparaison donc, va traverser le Moyen-Âge jusqu'à Luther y compris. Alors, dans le Nouveau Testament, et je conclurai brièvement là-dessus, l'emploi par contre est beaucoup beaucoup plus rare. On a un emploi plutôt métaphorique dans Luc, dans Actes, et qui cite simplement le psaume 1. Peut-être l'emploi le plus intéressant pour notre propos, il se lit dans la première épître de Timothée, où Paul prescrit à son disciple, et là je traduis le mot, quoi, prescrit à son disciple de prendre à cœur la lecture de l'Écriture, l'exhortation, l'enseignement, le charisme qui lui a été conféré. Donc l'idée de conserver dans son cœur est absolument centrale. Donc la méditation, entendue comme telle, va, je crois, c'est assez clair pour tout le monde, influencer et pénétrer toute la tradition cénobitique ancienne, par exemple dans la tradition pacomienne en Égypte, très très proche de la tradition biblique, répétition à mi-voix de versets de psaumes en particulier ou de courts extraits de l'Écriture. Et alors, du côté occidental, la figure, du côté chrétien occidental, la figure clé, c'est Jean Cassien. Alors, il faut savoir peut-être que Jean Cassien, surtout dans les conférences 10, va exercer une influence sur la tradition latine en général, même, et peut-être devrais-je ajouter, surtout sur Benoît de Nursie, bien entendu, au VIe siècle, qui reconnaîtra sa dette à son égard. Et on passe ici de l'idée de méditation sur une parole de l'Écriture à l'idée d'une méditation conduisant à la prière continue, conduisant à la prière perpétuelle. C'est en fait le but ultime du moine, selon Cassien, selon Benoît de Nursie, c'est en définitive de pratiquer cette forme de prière continue ou perpétuelle qui est inspirée par la rumination, la mendication d'un verset biblique. Pensant ou évoquant la figure d'Augustin, et en particulier ses Enarrationes in Psalmos, on doit aussi immédiatement évoquer les confessions. Les confessions, surtout le premier et les derniers livres, je crois, peuvent être considérées, et ce n'est pas simplement de façon métaphorique, comme peut-être le premier exemple de méditation littéraire, ou comme de méditation comme genre littéraire. Mis à part la Bible, si on veut considérer que la Bible elle-même est une méditation tout entière, bien entendu. Méditation littéraire, dans le cas d'Augustin, sur Dieu, bien sûr, le Christ, la mémoire et le temps, dans les derniers livres des confessions, je pense que vous les connaissez, sur l'éternité et sur l'Écriture. La rumination augustinienne, qu'il appelle souvent dans d'autres écrits cogitatio, méditation en plein travail, se fait donc reprise incessante, insistante. Elle suggère un mouvement cyclique, très intéressant cette idée, un mouvement cyclique perpétuel, c'est l'idée du retour de la pensée sur elle-même. Elle suppose également un effort pour surprendre le texte, le sens profond d'un texte, du texte biblique. Le méditant, en fait, essaie de puiser à l'Écriture et s'épuise en même temps à la tâche tout en lui trouvant une joie. Parce que la source divine, la source de l'Écriture, ne se tarit évidemment jamais. Ici, il y a une comparaison intéressante qui est faite par des commentateurs ultérieurs d'Augustin. C'est que la méditation, une autre réalité de la méditation apparaît, c'est cette affinité assez profonde, intime, avec la quête amoureuse, la recherche amoureuse. Et là, on retrouve des thématiques de la mystique au sens large du terme, toujours entreprise et jamais véritablement satisfaite. Alors, la tournure d'esprit introspective des confessions d'Augustin semble s'être insinuée, et là peut-être les spécialistes de l'époque médiévale pourront corriger, compléter ou apporter des éléments, semble être insinuée dans la pratique nouvelle des méditations écrites, dont Anselme en particulier, évidemment, Anselme de Bec ou de Canterbury, sera le catalyseur au Moyen-Âge, donc au XIe siècle, mais que l'on retrouve déjà, en fait, un peu avant, sous la plume de Jean Fécamp et d'Alred de Rievaux, dans des textes où la méditation est hautement chargée sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Et ici, je signale que cette tradition de la méditation écrite ou sous forme littéraire, largement catalysée au XIe siècle par Anselme de Canterbury, va donner naissance aussi à des réécritures, des soliloques d'Augustin, les soliloquia d'Augustin, à la fin du Moyen-Âge, des soliloques donc pseudo-augustiniens, lesquels, en imitant les soliloques d'Augustin, ont ouvert la voie à des mouvements comme la Devotio Moderna. Là, je signale et je renvoie peut-être aussi à un article assez récent, même très très récent justement, tu as fait allusion au numéro de la RHR consacré à cela. Il y a un article assez récent de Cédric Géraud sur cette question, c'est tout à fait passionnant. Voilà pour ces éléments. Concernant l'histoire, je ne sais pas si c'est nécessaire de donner peut-être un petit survol historique. Et dans une notice de dictionnaire comme celle que vous envisagez peut-être, cela pourra-t-il passer à la trappe, je ne sais trop comment synthétiser la chose, parce que c'est immense, c'est foisonnant. Mais je crois quand même qu'il est important de donner quelques pistes, quoi, brièvement, tant que faire se peut. Alors, avant de devenir ce que je viens de signaler, c'est-à-dire une écriture, et à défaut d'être perçue comme un genre littéraire dûment répertorié, la méditation donc ressort d'abord et avant tout à une attitude, un comportement, on l'a vu, et je crois que ça vaut la peine de voir comment ça évolue à travers les siècles, brièvement. Et là, je partirai en fait déjà de la tradition philosophique de l'Antiquité. La période médiévale va jouer un rôle de transition fondamentale, mais peut-être commençons quand même par la philosophie antique. La méditation constitue, je crois que personne n'en doutera, le préalable à toute démarche philosophique authentique, et en particulier si on considère ou si l'on entend que par philosophie, non pas simplement une élaboration de théorie, une construction de système, n'est-ce pas ? Mais si on pense plutôt à la philosophie comme art de vivre, de rechercher et d'atteindre peut-être la sagesse, et qui se confond donc avec une manière de vivre. C'était manifestement une évidence pour les philosophes de l'Antiquité. Ici, peut-être, dois-je juste évoquer en passant très très brièvement le travail important de Pierre Hadot, qui est bien connu, dans son ouvrage, disons, un peu de synthèse sur la question « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», il s'est appliqué à montrer que la philosophie antique ne peut et ne doit être réduite à une pure spéculation sur des concepts. Et c'est vrai qu'avec l'héritage du XVIIe et peut-être encore plus des Lumières, on a tendance à voir et à regarder ou à considérer la philosophie comme une spéculation sur des concepts, donc quelque chose d'éminemment abstrait et donc presque un peu désincarné. La philosophie antique, et peut-être certaines écoles de philosophie antique plus particulièrement que d'autres, sont à considérer comme, ont proposé de véritables exercices spirituels, donc dont la méditation peut faire partie, ou une certaine forme de méditation peut faire partie. Peut-être que le plus emblématique, l'école la plus emblématique à cet égard, est l'école stoïcienne, et en particulier le stoïcisme d'époque impériale. Donc en commençant peut-être avec Sénèque, Marc Aurèle et compagnie, dont on peut imaginer qu'ils ont exercé une certaine influence aussi, ou qu'il y a eu une influence sur les auteurs chrétiens qui étaient évidemment nourris à la païdéia grecque. Donc ça, c'est fondamental. En lien avec, de nouveau, la question de la dichotomie, si on pense au modèle et au couple aristotélicien Theoria Praxis, qu'on a tendance justement à voir comme s'opposant, hein, se différenciant de manière quasiment opposant, la méditation ou méditer dans ce contexte-là consiste, et c'est un bel oxymore, à rester activement en repos. Vous voyez ? Méditer consiste à rester activement en repos dans une attention ouverte et vive, ou pleine. Dites-moi si ça vous barbe ou si vous souhaitez qu'on... Non. La question d'être barbé, loin de là. C'est pas le problème. Donc, tout le problème a été que certaines personnes ayant l'habitude du fait qu'on a une séance de 2 heures n'ont pas du tout vu en rouge 18 heures. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pas grave. Donc, tu as vu qu'il y a eu un mouvement de départ. Oui, tout à fait. On n'a pas pu s'organiser. On est parti pour un petit peu de temps pour chacun. Donc, pas de problème. D'accord. Mais vous souhaitez qu'on passe directement à la discussion ? Vous souhaitez que je poursuive ? Que tu achèves ton parcours. D'accord. Ok. Bon, très bien. Donc, je passe un peu vite sur certaines choses. J'ai déjà crémé un petit peu, mais je vais peut-être continuer. Il y a forcément quelques redites, et je vous prie de m'en excuser, soit par rapport à la discussion que nous avons eue tout à l'heure, ou même ce qui a déjà été introduit préalablement. Alors, passons peut-être à la tradition justement du christianisme ancien. Je l'ai rappelé, c'est bien connu de tout le monde, dans la tradition de l'Orient chrétien, surtout chez les pères du désert, les ermites, les cénobites, la méditation porte un nom plus ou moins technique, ou qu'il l'est devenu, Ezikia, qui signifie littéralement vraiment repos, tranquillité. Ce terme désigné, ce repos, la quête de ce repos s'obtenait par la répétition, et là je reviens sur des choses et je me répète à mon tour, la répétition d'une phrase isolée de l'écriture. Dans le cas de la tradition hésychaste ancienne, c'est pratiquement toujours la même phrase, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de moi, car je suis pécheur », qui deviendra sous une forme abrégée, simplement, eh bien, « Seigneur, aie pitié ». Curie et Leyson, que les pères répètent intérieurement jusqu'à ce qu'elle devienne en quelque sorte aussi spontanée que la respiration. Et ici, je crois qu'il y a quelque chose vraiment de fondamental et de clé, c'est pour ça que je l'élabore sous cette forme. Je crois qu'il faut associer véritablement ou combiner, et voir plus exactement que par méditation dans la tradition chrétienne, on entend quelque chose qui est vraiment vécu physiquement, concrètement, de l'intérieur, n'est-ce pas ? Mais avec tout son corps, toute son âme, tout son cœur, et en prenant appui sur l'écriture. C'est le souffle d'inspiration, hein, et c'est à travers justement le souffle de la répétition de cette parole qu'on essaie, en quelque sorte, d'atteindre, de rejoindre Dieu, en tout cas dans cette tradition ancienne. Donc, au repos intérieur sont associées des idées de paix, de concentration, qui riment avec attention et aussi, par voie de fait, avec absence d'errance mentale. Ça va à l'encontre de l'errance mentale. Donc la méditation du monachisme ancien, récitation orale de l'écriture, était le prolongement incessant à travers les heures de travail, toutes les occupations de cette écoute de la parole divine au cours des temps de lectio. Hein. Si on regarde les règles, la règle du maître, la règle de Saint-Benoît, etc., elle rendait possible à tout instant la réponse de l'oraison, entretenait ainsi la prière continuelle qui est continue, qui est la fin, le but. De tout moine. Alors j'ai dit tout à l'heure, Jean Cassien joue un rôle tout à fait crucial, je crois que je ne vais pas le répéter, c'est le passeur, par définition, entre les sagesses chrétiennes de l'Égypte, de la Syrie, du monde grec, avec l'Occident. Hein, tout à fait fondamental. Si vous voulez en savoir plus, ou voir de plus près ce que cela donne, lisez principalement la conférence 10. Hein. Mm-hmm. C'est une synthèse importante, centrale, et dont se nourrira du reste Benoît lui-même abondamment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour Cassien, peut-être une petite conclusion à son propos, l'imprégnation de toute l'existence humaine par la répétition de la formule de prière unique, sans cesse répétée, était prescrite en lien très très étroit, en référence exacte, précise avec le Shema Israël, donc avec la prière fondamentale du Deutéronome, et par extension de la Bible tout entière. Dans la conférence 10, il dit « Tu le rediras, assis à la maison et avançant sur la route, dormant et te levant, tu l'inscriras sur le seuil et les portes de ta bouche, tu le mettras sur les parois de ta maison et dans les profondeurs de ton cœur, ce qui est une forme de réappropriation. Il est intéressant de noter, nouveau parallèle avec le travail de Cédric, que ce thème de la répétition ou de la réitération inlassable, hein, sempiternelle, réapparaîtra dans des éditions des Meditationes Sive Orationes d'Anselme, mais les rééditions du XVIIe siècle, où certains éditeurs, et apparemment bon nombre de jésuites en particulier, à l'instar du père Théophile Drénaud en 1630, faisaient de la lecture réitérée le mode d'appropriation par excellence de la méditation. Donc la lecture réitérée, le mode d'appropriation par excellence de la méditation. Dans la tradition du monachisme, pour Benoît, lire et méditer sont quasiment synonymes. Il utilise volontiers « meditari aut legere ». De Vogüé, dont vous connaissez le nom, grand spécialiste de l'histoire du monachisme occidental, et qui nous a quittés en laissant une œuvre énorme, mais pas tout à fait achevée, disait que l'idéal bénédictin n'était pas tant « ora et labora », comme on le répète inlassablement, ni même « ora labora lege », mais « ora labora lege meditare ». C'est la méditation, en quelque sorte, c'est la plénitude spirituelle. Spirituelle de la méditation, la constante conscience de Dieu qui tient ensemble et en harmonie toutes les activités un peu éclatées du moine. Donc la méditation, en fait, unifie les différentes activités physiques, manuelles et spirituelles du moine. Bon, alors là, je dois aller peut-être encore plus vite et je pense que d'autres pourront compléter. Pour le Moyen-Âge, c'est très très vaste et c'est très long. Je ne vais peut-être pas redire ce que j'ai déjà dit à propos d'Anselme. C'est suffisamment explicite. C'est non pas un point de départ, parce qu'il y a une continuité, évidemment, mais c'est une figure assez fondatrice, et notamment en raison de ses Meditationes Sive Orationes. Mais avant lui, on peut penser à Jean Fécamp, à Pierre Damien aussi, qui a développé ce concept d'homo interior, d'homme intérieur, hein, dans le processus de la croissance de soi, et où la lecture, comme la méditation, occupe une position tout à fait centrale. Peut-être, si vous me permettez, j'aimerais vous lire un petit extrait en français, bien entendu, d'un passage de ces Meditationes d'Anselme, parce qu'elle est tellement évocateur et, je crois, assez explicite de ce dont je vous ai entretenu jusqu'à maintenant. Je cite « Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, exerce ton esprit, ravive tes sentiments, chasse l'indolence d'une torpeur mortelle, sois inquiet pour ton salut, que se dissipe le vagabondage des pensées inutiles, que s'éloigne la paresse, que soit maintenue une attention scrupuleuse, applique-toi avec insistance aux saintes méditations, attache-toi au bien divin, sois attentif à ce qui dure, délaisse les choses temporelles. Que pourrais-tu donc penser de plus utile et de plus salutaire en exerçant si divinement ton esprit que de te rappeler, on a vraiment tout hein, là-dedans, que de te rappeler par une douce pensée les immenses bienfaits du Créateur. La méditation sert aussi manifestement à exprimer et à prendre plus pleinement conscience en quelque sorte de la beauté de la création divine. Alors, les grandes étapes au Moyen-Âge, après Anselme, je crois qu'on peut dire, et on retrouve alors justement l'association de la méditation à la contemplation à laquelle faisait allusion tout à l'heure M. Fabre, à partir, je pense, d'Hugues de Saint-Victor, l'école de Saint-Victor en général, sans entrer dans les détails, parce que c'est très compliqué, malheureusement. Hugues, dans ses différents écrits, présente deux systèmes, grosso modo, qui ne se recoupent pas tout à fait complètement. Mais la méditation se distingue ou se démarque un petit peu de la contemplation. Il définit la méditation comme l'exercice, et là je crois qu'on voit déjà le phénomène un peu d'intellectualisation ou de rationalisation se mettre en marche. La méditation est l'exercice de jugement sur la façon de mettre en pratique ce que l'on sait. L'exercice de jugement sur la façon de mettre en pratique ce que l'on sait. C'est un des stades dans, en fait, une opération qui comporte 5 étapes. La contemplation étant l'étape finale, la méditation précédant justement cette étape. Dans un autre écrit de Hugues, les homélies sur l'Ecclésiaste, c'est pas par hasard, la méditation est définie comme une activité de réflexion. Vous voyez, donc cette dimension-là est très forte. Je pense que la source, évidemment, est Augustin, mais elle se précise, de recherche orientée à la fois vers la conformation de la vie à l'enseignement de l'Écriture et vers la contemplation. Donc, vraiment, le 11e, 12e siècle, le couple formé entre méditation et contemplation se formalise, d'une certaine manière, se confirme. Richard de Saint-Victor, qui donc est un membre de cette école, mais pas du tout la même origine que Hugues, je crois que Hugues, on pense qu'il est probablement d'origine germanique et saxonne, et Richard plutôt écossaise. Mais enfin, Richard est très très influencé par le modèle d'Hugues, et il reprend à peu près les mêmes idées. Il a une définition intéressante que je signale en passant ici. En fait, oui, la méditation... Oui, pensée, méditation, contemplation sont les 3 termes. Pensée, méditation, contemplation. Voilà. Une autre tradition médiévale va s'approprier évidemment ce concept, enfin s'approprier, le développer à sa manière. C'est évidemment la tradition chartreuse, avec un autre grand nom du XIIe siècle. Je pense que c'est un siècle important à ce niveau-là, en particulier Guigues, le chartreux, le deuxième du nom. Lui distingue 4 degrés dans l'échelle des moines, l'alexio, meditatio, ratio, contemplatio. Et il définit la méditation comme suit. La méditation est une opération de l'intelligence. Et donc l'élément rationnel, il est vraiment bien présent, hein, intellectuel est vraiment présent, procédant à l'investigation studieuse d'une vérité cachée à l'aide de sa propre raison. Bon, et de là, on va évoluer jusque vers la Devotio Moderna au XIVe siècle. Alors, en dépit de son nom, disons peut-être simplement que cette Devotio Moderna, dans laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre, présente dans le fond un type de spiritualité assez traditionnel. Ne se démarque pas complètement des autres. Il y a plusieurs... figures, personnages qui interviennent là-dedans, un dénommé Gérard Groth, hein, que vous connaissez, pour lui la méditation est une mentis exercitatio, hein, qui met en jeu la réflexion de l'esprit et les représentations de l'imagination. Alors, il y a plusieurs étapes également, plusieurs modes. La lecture doit précéder la méditation, qui est ensuite suivie de l'oratio, et qui mène à la contemplation. La contemplation étant, en fait, la communion de l'âme avec Dieu. Et de là aussi, donc, au développement jusqu'à la, la l'imitatio Christi. Je ne vais pas m'arrêter. À l'époque moderne, si, je sais que vous pouvez vous en aller. Bonne rentrée chez vous. Merci. Alors, et là, je parle vraiment avec beaucoup de réserve parce que je ne suis pas du tout compétent pour le faire, mais à partir du moment où Ignace adopte la technique méthodique de méditation qui est censé permettre, faciliter la transformatio per dolores Iesu, les idéaux ascétiques d'Augustin en particulier changent ou cessent de dominer la période de la contre-réforme, et l'ascétisme se caractérise par un effort de sanctification, et c'est pour ça probablement qu'Augustin perd un peu en influence. Alors, dans le développement, oui, nous avons influencé. Dans le développement de l'ekphrasis jésuite, il y a un élément nouveau, et là peut-être M. Fabre pourra nous apporter des lumières, qui, à ma connaissance, est sinon moins fréquent, peut-être même absent de la tradition antique médiévale, qui fait son apparition et qui prend de l'ampleur, c'est la visualisation. Encourager pour accroître, en fait, le sentiment d'identification avec des scènes de l'Écriture, de l'Histoire sainte, ou avec des paroles de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'apparemment tout à fait nouveau. Et puis, alors, on ne peut faire que renvoyer aux travaux de M. Fabre et Ralph de Coninck, je crois, en particulier sur ce sujet. Le XVIIe siècle, je le disais, est un tournant pour une raison qui me paraît assez claire. Au revoir. Merci beaucoup. Est un tournant à plus d'un titre. Je pense que jusqu'au tournant du XVIIe, grosso modo, bien entendu, la méditation semble être plus ou moins largement réservée à des professionnels, si j'ose dire, des philosophes ou des moines. À partir de là, du XVIIe, XVIe, XVIIe, la méditation se répand dans des milieux cultivés, bien entendu, mais en particulier grâce aux livres imprimés. Alors, ce phénomène s'accompagne aussi d'une individualisation un petit peu plus grande du comportement religieux des fidèles, et les chrétiens prennent davantage appris à affirmer leur identité de sujet responsable de leur destinée surnaturelle, et ils découvrent en même temps qu'ils n'étaient pas seulement les membres d'une église naguère indivise, mais des individus plongés dans un monde partiellement sécularisé. Donc, à travers cette étape du développement historique de la méditation en Occident, le chrétien semble, je pense, affirmer de plus en plus fortement un moi fasciné et inquiet, et qui le pose un peu comme sujet à part entière d'une histoire du salut universelle. Donc on a un passage, mais je suis tout à fait prêt à reconsidérer ce point, apparemment un passage du collectif à l'individuel, sans aller dans les extrêmes, bien entendu, au sein d'une chrétienté plus éclatée. Et cela va de pair avec un processus d'intériorisation et de personnalisation, peut-être, de privatisation, si j'ose dire, de la foi. Et ça se vérifie, en fait, probablement, ça commence peut-être avec l'imitation, jusque au grand texte du XVIIe siècle, et là on peut penser au moyen cours de Madame Guyon, parmi d'autres. Et la foi conduit, en fait, et transforme un peu la méditation en analyse de soi, éduquant le regard méthodiquement introspectif du croyant. C'est-à-dire que la foi, ou l'approfondissement de la foi, va de pair avec l'analyse de soi. Bon, je vais clore sur ce chapitre-là. Pour l'époque contemporaine, on en a déjà parlé tout à l'heure, ce qui est très très frappant, c'est cette explosion de l'offre et du marché. Et là, il y a des oppositions assez farouches entre les tenants, en quelque sorte, d'une méditation qui serait fidèle à l'une ou l'autre des traditions chrétienne, mais voire orientale, revisitée, comme on l'a vu tout à l'heure, et ceux qui banalisent en quelque sorte la méditation, qui se contentent d'en faire un instrument. Donc, elle se définit très souvent simplement comme une autorégulation de l'attention au service de l'introspection dans le iketnon, ici et maintenant, sans aller véritablement plus loin. Donc là, on a une. Aux yeux de certains, vous avez peut-être vu passer ou jeter un œil dans le que sais-je de Fabrice Midal, qui est assez récent sur la méditation. Et c'est un chrétien qui utilise volontiers ou qui recourt à des méthodes ou des techniques de méditation qualifiées d'orientales pour approfondir sa propre foi. Lui critique très très sévèrement cette approche. En considérant en quelque sorte que la méditation est utilisée ou a été appropriée par une mentalité strictement et purement utilitariste, n'est-ce pas, qui vise un but unique, qui est celui de tout contrôler, contrôler donc sa vie, soi-même, dans le détail, etc. Alors que, de son point de vue, évidemment, la méditation vise tout à fait autre chose. Mais si on accepte une partie de l'approche contemporaine, ou en tout cas du XXe siècle, voire du XXIe siècle, selon laquelle la méditation était d'abord et avant tout une technique, elle est justement, ce que j'avais dit un petit peu à la fin de l'exposé de notre ami, qu'elle peut être transversale à plusieurs religions, plusieurs spiritualités, et ce qui explique un peu, en partie, son caractère interchangeable et la possibilité de pratiquer, aux yeux de certains, une fois de plus, avec succès, des formes de méditation étrangères à sa tradition et à sa culture religieuse. Ce qu'on qualifie aujourd'hui de technique, et aussi en lien avec la catégorie des techniques du corps proposée par Marcel Mauss dans une conférence de 1934 sur laquelle je n'aurai probablement pas le temps de m'arrêter, mais qui a fait florès, apparemment. Les anciens les appelaient simplement une voie, un chemin, littéralement en fait en grec méthodos, c'est-à-dire une méthode. Donc on voit que c'est difficile de. Comment dire, la confusion entre le jugement de valeur sur ce qu'est devenu ou l'évolution de la méditation. Comme technique ou comme art de vivre est difficile à faire. Fabrice Midal, l'auteur de ce petit que sais-je, répond évidemment que la méditation n'est pas ou ne doit pas être réduite à une technique, mais que c'est un véritable art de vivre. Voilà. Par rapport à la question des techniques du corps, je peut-être simplement de manière assez improviser, vous dire que ce qui est frappant, et là je pense qu'on est obligé, en tout cas en tant qu'historien, on se sent tenu à faire l'exercice, à distinguer les différentes approches ou les différentes époques dans l'histoire de la théologie ou des traditions monastiques. On a souligné tout à l'heure le rôle l'importance possible de la respiration en lien avec l'écriture et avec la répétition inlassable de la parole de l'écriture. Il est frappant de voir que chez Cassien, par exemple, ou Jean Diadoque, 4e, 5e siècle de l'ère chrétienne, on n'a pas d'insistance sur la respiration. elle apparaît en particulier dans la tradition hésychaste chez Jean Climac, l'auteur d'une échelle des moines, et c'est tout à fait central pour lui. La respiration va de pair avec le processus d'intériorisation, intériorisation d'un verset ou d'une parole biblique, intériorisation d'une prière, peut-être que dans le domaine indien, on dira intériorisation d'un mantra, simplement. Intéressant d'observer que dans la tradition médicale de l'Antiquité, on trouve ça déjà chez le pseudo-Aristote, donc fin du IVe siècle avant notre ère, mais c'est surtout vrai chez Galien, donc plus proche justement des sources monastiques. On pensait que l'air inhalé ne pénétrait pas seulement jusqu'aux poumons, mais allait des poumons jusqu'au cœur. Donc tout se passe en quelque sorte comme si la pratique de la récitation d'une phrase de l'écriture, où par ce biais-là, l'attention était soutenue, renforcée, grâce à la respiration du méditant. La parole, par ce jeu combiné quoi, de la parole, avec un grand P, si je puis dire, et de la respiration, donc de l'activité physique, corporelle, la parole chemine de la bouche aux poumons, et des poumons au cœur, tout comme l'air, en fait, et le souffle qui sert à l'articuler. Et ici, il y a évidemment une espèce de valorisation qui sera exploitée, surtout dans la tradition hésychaste orientale, chez Jean Climac en particulier. Le souffle et la respiration ont une valeur à la fois technique, littéralement technique, mais évidemment symbolique, même plus que ça, spirituelle. Parce que par la respiration, on rejoint le souffle de l'esprit, etc., etc. Il y a tout un jeu sur cette question. Et c'est cette même tradition hésychaste, en particulier emblématisée par Jean Climac, qui considère, et je peux peut-être boucler là-dessus, cela terminera ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, le corps n'est pas un obstacle. N'est pas un obstacle à la rencontre avec Dieu. Le corps est une aide, en fait, à la méditation. Et je crois que c'est possible uniquement parce que cette tradition-là soutient une anthropologie qui est fondamentalement unitaire et non dualiste du rapport corps-âme, corps-esprit. Et il y a cette phrase intéressante, la vie hésychaste consiste à circonscrire l'incorporel dans le corps et d'attacher le nom de Jésus à son souffle. Et j'aurais tendance à dire, en conclusion, que la théologie chrétienne devrait probablement plutôt faire une lecture de ce type que celle marquée par le dualisme platonico-manichéen, dans le sens où, et ça c'est aussi une idée qu'on retrouve chez Jean Cassien, dans la façon de définir la lectio divina conduisant à la préparant le chemin à la méditation, par la répétition, l'articulation de la parole de Dieu, et grâce évidemment à l'inspiration divine, l'esprit et l'incarnation du Verbe, le méditant, le moine, devient co-auteur du texte, n'est-ce pas ? Devient co-auteur du texte. Celui qui l'articule parce que le Christ, de par son incarnation, a récapitulé en lui. La parole de Dieu. Et puis un dernier mot, mais c'est plus général aussi, la méditation semble aussi se présenter comme un équilibre subtil entre parole et silence. Silence et parole. Ici, j'aimerais faire allusion pour aussi rendre hommage à une autre tradition orientale qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer, mais Confucius utilise une très très belle image pour parler de la méditation. Il utilise l'image d'une roue de vélo d'une roue, disons, de ce qui correspondrait à un vélo ou quelque chose de ce type, dont les rayons correspondraient à la parole, hein, et les espaces entre les rayons au silence. Donc, la méditation est comme une roue, hein, en mouvement, entre parole et silence. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, ben, Jean-Michel, un grand, grand merci pour cette contribution si riche et toutes nos excuses, hein, pour ce trouble matériel qui a quand même très largement perturbé ton intervention. J'en suis désolé. Ne t'inquiète pas. Entre ce qui n'a pas été compris ou ce qui a été mal communiqué, en fait, on avait jusqu'à 18h normalement pour discuter. C'est vraiment dommage, et en particulier que ton alter ego dans l'intervention était obligé de partir avant. Bon, alors, puisque nous sommes là et que nous avons, nous, normalement, le temps, moi, je propose qu'on rentre dans ce propos si riche. Et simplement pour commencer, moi, je voudrais dire à quel point je te suis dans ton appréciation, ta façon de relativiser la question du dualisme en Occident, parce que en réalité, tu n'aurais pas pu décrire cette histoire, qui est celle du cheminement occidental avec toutes ses étapes dans l'élaboration de ce qu'est la méditation, si on avait été en contexte dualiste. C'est précisément ça la grande question. Alors on analyse le problème comme on veut, et puis on lui donne des tournants historiques qui sont variables selon, oui, selon les analyses, mais c'est évident qu'on a affaire à quelque chose qui est un modèle où on passe d'une donnée dualiste, où tu as bien montré que la donne augustinienne va être présente, pas si facile à assimiler, mais en tous les cas un dépassement incontestable. Et moi, je serais assez tenté de valoriser le temps que représente l'affirmation de méditation comme genre littéraire, c'est-à-dire les anciens du XIIe siècle, parce que c'est un moment qui a l'intérêt de croiser vraiment deux dimensions fortes de ton exposé, qui sont, le problème des rapports corps-esprit, avec, j'allais dire, quelque chose de manifestement qui relève de la spiritualisation de la chair. C'est-à-dire, on a là l'instauration d'un de ce que j'appelle le tiers. C'est-à-dire, on n'est pas dans le rapport corps-esprit, on est dans un rapport où le corps est spiritualisé, tout à fait, oui, et où l'esprit est matérialisé d'une certaine façon. Donc, il y a quelque chose, et puis, c'est-à-dire un phénomène qui est un modèle anthroposocial, hein, c'est-à-dire qu'il y a, l'Église va peser très fortement, l'institution va peser très fortement dedans. C'est le moment donc de la rédaction, disons, de ce type de texte. Et puis, c'est le croisement du renouveau des confessions. C'est le croisement autobiographique, tellement riche dans cette... et qui est un croisement autobiographique où, au fond, il s'agit de, comme disait Augustin, de l'extérieur vers l'intérieur pour le supérieur. C'est-à-dire trouver quelque chose qui est un modèle ascensionnel. Tout à fait. Bah, si tu partages. Absolument, oui. Magnifique. Et merci, effectivement, de me rappeler ce concept de spiritualisation de la chair. Oui, c'est tout à fait fondamental. Non, je te suis pleinement, évidemment. Est-ce qu'on pourrait dire à l'inverse que ce que vous avez dit à propos de la tradition juive, la vie hébraïque, tout à fait. Je vous ai suivi dans votre exposé. Et je voulais simplement ajouter un point qui a peut-être un caractère anecdotique, mais c'est la notion introduite par Gérard Haddad dans son Manger le livre. Oui, oui, mais c'est juste. La notion de manger le livre, hein, c'est-à-dire où finalement le livre finit par être, l'aliment spirituel et intellectuel que l'on incorpore. Alors peut-être pas par la lecture continue, la lectio, puisque ce n'est pas de lecture qu'on parle dans le judaïsme, mais l'étude. Oui. Hein, c'est la notion de l'étude. Je pense qu'on pourrait peut-être établir, on pourrait reprendre une partie des éléments que vous avez évoqués à propos du christianisme, en remplaçant le mot lectio par le mot étude. Et là, on retrouverait peut-être des pratiques qui se rejoignent. Tout à fait, oui, très intéressant. Oui. Et cette notion de manger le livre a été, même, je dirais, excusez-moi, je suis un petit peu rien, a été illustrée par par quelque chose de l'ordre du céder, c'est-à-dire le repas collectif, où finalement chaque aliment, chaque aliment reprend dans sa nomination, donc sur son étymologie, un élément du texte. C'est-à-dire que le mot devient aliment, ou l'aliment devient mot. Enfin, on pourrait dire que c'est interchangeable. C'est interchangeable. Et donc on prononce le nom de l'aliment, on le consomme, et en consommant ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit le texte, en se l'incorporant. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez... tout à fait proche. Et ça, c'est un premier élément, bon, qui est un côté, c'est ponctuel comme non, mais c'est un parallèle, c'est intéressant. Qui enrichit, si vous voulez, la démonstration. Moi, je pensais, bon, évidemment, il y a cette dichotomie dont on a largement parlé tout à l'heure et maintenant, mais il y a aussi, je crois, un autre élément dans ce que vous avez dit qui n'a pas été évoqué de cette façon-là, c'est, je dirais, la dichotomie oralité-textualité. C'est qu'on est dans le texte, mais on est dans cette dimension corporelle et physique, elle se trouve dans l'oralité. Alors évidemment, tout ce que vous avez dit à propos de la technique, la respiration, etc., mais pas seulement. C'est dans le fait même de prononcer, de dire, et où finalement la mémorisation se fait à partir de traditions orales, de transmissions orales aussi. Oui, mais alors là... On est dans quelque chose qui... Là, il y a un élément qu'il faut ramener au débat qui va être intéressant, qui est la naissance en Occident de la littérature, de la lecture silencieuse. Oui, tout à fait. Oui, le silence, on est dans la roue. Absolument. Oui, alors là, peut-être, on peut renvoyer aux travaux de Brian Stock, notamment, tout à fait. Oui, c'est vrai, ça, c'est un élément tout à fait central. Je voudrais dire quelque chose. Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est dommage que Rondati Germani ait je comprends bien, fort bien, pas de soucis. Je suis contente que vous m'ayez enregistré vos propos parce que c'est très dense et c'est à réécouter. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est qu'on pourrait faire le même exercice pour l'hindouisme. J'imagine. Bien sûr. J'imagine. Et parler très très longuement sur les différentes strates d'élaboration de notions pas du tout homogènes. Le mot méditation renvoie à plusieurs types de conception selon les écoles, selon les époques, etc. Selon aussi que les courants sont théistes ou non théistes, car il y a des courants hindous qui n'ont pas forcément la notion de Dieu créateur. Donc tout ça est très très compliqué et c'est naturellement pas l'exercice qu'a fait Arundhati. Oui, oui, du tout. Elle avait sans doute. Ce qu'a fait Arundhati, c'est de montrer comment le terme, les termes indiens, dans une situation de rencontre missionnaire d'abord, puis coloniale ensuite, ont été appropriés sous un seul vocable, qui est celui de méditation, par des Occidentaux. C'est ça. Ce que ces Occidentaux ont vu, qu'est-ce que ces Occidentaux ont vu? On ne le sait pas très bien. Ils n'ont pas vu la même chose, les jésuites comme Nobili, ou ses successeurs, puis les coloniaux britanniques, etc., ont été confrontés à différentes traditions, différents niveaux de différents types d'élites intellectuelles, je dirais. Donc, on ne sait pas très bien. Mais ils ont utilisé le mot méditation. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que Arundhati a cru comprendre que quand François Xavier, du Japon, parle du bouddhisme tel qu'il le voit au Japon, on ne sait pas quels sont les gens exactement qu'il avait vécu au Japon. Il ne parlait aucune langue japonaise, ça va sans dire. Vous voyez la situation. Mais il a quand même parlé de la méditation. Arundhati nous dit c'est un peu péjoratif ce qu'il en fait. Oui. Mais je ne peux plus le croire, maintenant que je vous ai entendu, nous dire qu'au contraire, les jésuites sont les héritiers de tout un courant très complexe que vous avez bien exposé. Donc quand François Xavier utilise ce mot, c'est plutôt laudatif pour moi, n'est-ce pas? Il voit chez ces gens-là quelque chose qu'il reconnaît comme... Voilà, il applique un terme très, très chargé, positivement. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, il y a une articulation possible entre vos deux propos. Il n'y a pas beaucoup. Mais là, j'en vois une. Alors, pour moi, il faudrait, pour notre entrée, je ne sais pas qui va être le cadre, qui va donner, peut-être sans doute vous allez donner le cadre, vous donnez le cadre, c'est vous qui écrivez la notice, si je puis dire. Et puis, il va falloir amener l'appropriation, puisque Arundhati n'a traité que de l'appropriation. Voilà. Les conditions de l'appropriation. De l'appropriation de quoi? Ben ça, on ne le saura jamais. Elle l'a dit d'ailleurs. Bien sûr. Mais on pourrait le savoir. Non pas ce que les jésuites, etc., ont rencontré, mais ce qu'il y avait en Inde. Et même le moment indien dont elle parle, qui est le moment Vivekananda, ce moment indien, c'est un moment qui est incarné par un sujet colonial. Colonial. Vivekananda à Chicago parle anglais. Il ne parle pas sa langue maternelle. Et Vivekananda n'a pas reçu une éducation traditionnelle. D'ailleurs, il n'est pas brahmane, donc il n'aurait pas pu la recevoir. Il est très savant, il a été dans un collège anglais, il est très très intelligent, mais il n'a pas du tout cette formation qui lui aurait permis de comprendre le Saint-Augustin local, le Saint-Anselme local, le Saint-Machin local. C'est exclu, vous voyez. Donc il est déjà lui-même dans une réappropriation. Mais ça, c'est très intéressant pour notre visionnaire. Absolument. C'est très très intéressant. Je pense que la démarche d'Arundhati est liée aux conditions dans lesquelles on a envisagé la traduction en anglais. C'est-à-dire qu'on a voulu excentrer finalement la traduction en anglais du domaine anglophone, d'origine, pour voir, précisément en raison du statut très particulier de l'anglais, qui est une langue universelle, et qui a été appropriée par des colonisés, et qui ont qui se sont réappropriés d'une certaine manière, ou qui ont réinterprété leur propre culture à la lumière de l'impact et de l'influence coloniale. Et donc c'est ce détour nous, qui nous intéressait aussi, précisément en raison même du caractère occidentalo-centré des concepts à partir desquels nous travaillons et nous pensons. Et l'intérêt pour nous, c'était de voir comment des cultures qui se sont développées hors de cette langue et de cette culture se sont en même temps, ne peut pas faire l'économie du passage par l'Occident pour se penser et se repenser elle-même. Et inversement, ce qui est très intéressant dans la finale qu'on a évoquée aussi bien avec Arundhati qu'avec toi à la fin, c'est le fait que cette explosion de l'offre contemporaine va passer par l'exotisme de la notion. C'est-à-dire que, au fond, ce qui va intéresser les gens dans le contemporain, les plus conscients de leur appartenance occidentale vont plutôt choisir les moines, parce que les moines, c'est encore ce qu'il y a de moins compromettant dans le legs. Et puis, on va se réclamer massivement d'une offre qui est soi-disant orientale. Oui, c'est ça, soi-disant orientale. Donc, ce va-et-vient est assez fascinant. Hein. Absolument. Peut-être juste une chose, j'aimerais tout de suite vraiment dire, j'ai réalisé, comme je l'ai dit brièvement à la fin de l'exposé, j'arrive pas à mémoriser. Arundhati. Arundhati. L'étoile polaire. Oui, je suis absolument. j'ai réalisé en définitive mieux en l'écoutant ce que vous aussi, dans la refonte de ce dictionnaire, attendiez davantage peut-être d'une discussion sur un lemme, sur une entrée comme méditation. Je n'ai pas fait ce travail de déconstruction, de reconstruction. On pourrait imaginer le faire et ce serait peut-être intéressant. On serait quand même probablement amené à suivre une trajectoire obligatoirement. Assez proche de cette mais on le fait constamment. Et on le fait constamment. Les deux, c'est ça. On le fait constamment. J'allais dire, tu sais, tu as joué le rôle que souvent je joue, c'est-à-dire la nécessité d'une approche philologico-historique pour pouvoir démarrer dans des concepts qui sont des catégories qui sont fournies par notre vocabulaire occidental. Tout à fait. Donc je pense que c'est complémentaire. Et il y a peut-être plus d'éléments, on n'a pas suffisamment eu l'occasion et peut-être le temps, mais il y a peut-être plus d'éléments sur lesquels on pourrait entrer encore en dialogue que ce que nous avons fait jusque-là. Il y a eu quelques petits points, là, comme la question de la dichotomie. La tradition russe. Oui. Très proche. Ah oui, alors, d'accord, oui. Non, mais je voulais dire, même avec Arundhati, dans la partie de son exposé, il y a un certain nombre d'éléments qui pourraient être rediscuter ensemble ou avec vous tous, bien entendu. Peut-être trouvera-t-on un moyen de le faire par courriel ou... Non, mais ce sera de toute façon... Il y a quelque chose d'intéressant, je pense. Il y a d'une part les techniques. Oui, c'est ça. La dimension technique. Absolument, ça, c'est fondamental. Les techniques, dans l'Inde, oui. On parle du yoga parce qu'on parle des techniques, le contrôle du souffle, et ces choses-là, d'une part. Et d'autre part, le rapport au texte. Moi, ça m'a beaucoup troublée que Arundhati ne réagisse pas quand on lui parlait de rapport au texte, parce que la méditation n'est pas en rapport avec les textes dans la tradition hindoue. On est ailleurs. Ouais. C'est pas que les textes ne sont pas utiles, ils se servent énormément de textes. Pour autre chose. Avec la méditation, on passe ailleurs. Et puis peut-être le corps. Oui. Le corps, non pas avec ce débat sur la dualité âme-corps, non. Mais le fait que les systèmes indiens dont nous parlons, plusieurs systèmes, sont des systèmes qui débouchent sur la délivrance, qui visent à la délivrance. C'est ça. Donc ce sont des systèmes qui, un peu comme les Grecs anciens, sont à la fois des doctrines et des conduites idéales, des conduites. Bon. Et dans ce cadre-là, où il y a un comportement qui est induit ou qui est recherché par le fait de suivre cette doctrine, le corps est l'instrument de salut. Dans l'hindouisme, le corps est l'instrument de salut. Ce qui fait que le corps doit être intègre, par exemple. Il ne faut pas blesser le corps d'aucune manière. Un prêtre doit avoir tous ses membres intacts, etc. Enfin, ceux qui s'approchent le plus au texte. L'instrument de salut, ça c'est vital. Et on voit bien comme le yoga, pourquoi on passe au corps tout de suite. C'est pas un débat âme-corps, il n'y a pas le débat parce qu'il n'y a pas le problème. Mais ils font du corps un instrument de salut. Oui, mais justement, ce que tu suggères, c'est aussi d'être particulièrement attentif à une dimension équivoque du débat occidental, qui est précisément cette dualité que nous remettons en question. Oui, en plus, il y a un débat interne. Mais oui, il y a un débat. Parce que le corps est le véhicule, par définition. Oui, mais il y a un débat. C'est bien évident. Il y a un débat parce que d'abord, il y a eu historiquement une tension, mais une tension dépassée. Et le problème, c'est que nos études n'ont pas du tout absorbé cette dimension-là. C'est-à-dire, moi, je suis partie des gens assez énervés. quand on essaie d'expliquer que jusqu'à la modernité, au fond, on est dans un rapport du christianisme au dualisme, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai sans ça. J'allais dire, sans ça, on serait tous cathares. Enfin, il y a eu un moment... Alors là, on peut le dater plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Ouais. C'est que vous voulez. Pour moi, c'est le moment grégorien. Mm-hmm. Quel moment où s'instaure un tiers. C'est-à-dire où on a intégré la dimension du dépassement. Ouais. C'est capital, ça. C'est tout notre enjeu de civilisation. Alors qu'ensuite, la modernité redivise. Moi, je ne suis pas compétent pour répondre à cette question-là. Mais c'est sûr que si on veut finement documenter la question du corps véhicule, on a les moyens aussi de rejoindre cette discussion. Absolument. Non, c'est tout à fait fondamental. Et bien, je prends un exemple qui me venait en t'écoutant, mais tu abordais la question de la visualisation. Bon, j'avais en tête ces instruments très intéressants contemporains de la dévotion moderne. Je ne sais pas si tu connais ce livre qui a été publié chez Brepol il y a quelques années sur le pèlerinage immobile. Catherine Reddy, qui est une collègue historienne de l'art écossaise, je crois. Et c'est très intéressant parce qu'elle a étudié le cas de femmes qui sont doublement pénalisées dans leur impossibilité d'aller à Jérusalem. Elles sont femmes et elles sont moniales, enfin, en tous les cas... des pseudo-béguines, on va dire. Mm-hmm. Et alors, comme nous sommes à l'époque de la gravure, il y a des représentations de Jérusalem avec des petits cartouches, enfin, là, il y a la Via Dolorosa, si on veut, des petits cartouches qu'elles remplissent les unes après les autres, comme s'il y avait une espèce de corps à corps avec l'image qui faisait qu'elles sont présentes à Jérusalem même. Et à juste titre, Catherine Reddy fait remarquer qu'il y a toute une somatique. Ouais. C'est comme la messe à la télévision. C'est comme la messe à la télévision, dans les messes pentecôtistes. Oui, mais là, il faut que ça soit interactif. On demande aux fidèles de toucher la télévision pour avoir un contact physique avec l'émetteur. Moi, je voulais aussi intervenir par rapport à cette chose-là. Il est vrai que dans la dimension chrétienne, le corps est aussi instrument du salut, que je sache. Ah, les civils, toutes ces choses-là. Simplement, ce qui est très intéressant, c'est que le corps est instrument du salut par la douleur, par la souffrance. Ce qui, pour ce que j'en connais, n'est pas du tout le cas en Inde. Ah, tu as raison, ça c'est une des voies. Mais alors parce que, ben oui, mais tu le vois, il y a plusieurs c'est quand même quelque chose de très important, parce que moi justement, une des choses qui m'avait énormément frappée quand j'ai commencé à travailler sur le pentecôtisme au Brésil, c'est que les gens qui avaient accepté Jésus, mm-hmm. donc qui vraiment s'ouvraient à autre chose, racontaient leur vie d'avant, en termes de souffrance, c'est-à-dire avoir accepté Jésus, c'était la rédemption, mais c'était la rédemption du corps. Parce qu'on racontait des maladies qui étaient absolument horribles, les descriptions que l'on m'a faites de maladies, parce qu'on était dans le péché, bien évidemment, mais voilà, comme châtiment, c'était tout à fait étonnant. Et donc on peut dire aussi que dans ce sens-là, le corps est complètement présent dans le christianisme, en tant qu'instrument de salut. Bon, enfin, je pensais pas aux pentecôtistes là, je pensais plutôt justement aux moines, tous ceux qui portent des cilices, qui, enfin, moi, quand j'étais petite, on m'a appris, j'étais pas moine, mais on m'a appris quand même qu'il fallait, pendant le carême, faire des sacrifices, etc. Bon. C'est bien le corps qui est en jeu. Ah, tout à fait, oui, bien sûr. Donc je pense que la dichotomie... Ça peut être interprété selon les contextes de façon variable, qui est celle de l'abaissement du corps, mais aussi une question de dépassement, c'est-à-dire à quel point on est capable de faire mourir le corps et de passer à autre chose. Mais voilà. tout ça nous ramène effectivement à la question de du corps comme médium, et à ce niveau-là, dans le cadre des approches qui sont plutôt les vôtres et que je découvre pour ma part en grande partie, je pense qu'il faudrait se pencher à nouveau, je l'ai fait brièvement pour mon compte, mais sur ce texte de Marcel Mauss, justement, 1934, qui est paru un peu plus tard dans le journal de psychologie, La technique du corps. Alors la partie, enfin, il aborde la question de la religion que tout à la fin de son exposé, mais je pense il semble englober les différents types d'approches du corps, c'est-à-dire justement le corps que l'on met à l'épreuve, que l'on fait éventuellement souffrir, mais dans tous les cas, et en particulier même dans le cas où on vise une délivrance, comme vous l'avez joliment dit, le corps est un instrument, et est un instrument absolument indispensable, utile, positivement valorisé. Donc, juste une petite chose à propos de la dichotomie, ou disons de l'héritage, ce très lourd héritage dualiste qui pèse sur le christianisme. Patrick Henrier, un ami de Dominique, qui est directeur d'études à l'école pratique des études, dans spécialiste de la géographie espagnole, était invité à donner une conférence à Montréal, il y a quelques semaines, à l'Université du Québec à Montréal, et il parlait d'une œuvre d'art médiévale de sa chaire Espagne, mais en lien avec un texte de Giorgio Agamben qui s'intitule Nudité. Et je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire ce texte, ça vaudrait peut-être la peine, c'est très très riche, et c'est très très dense et très intéressant, mais dans lequel il y a véritablement une très forte dévalorisation positive, enfin une valorisation négative, devrais-je plutôt dire, du corps humain, et donc l'association du corps comme véhicule de péché, d'abord et avant tout, plutôt que comme véhicule ou instrument de salut, et c'est très très étonnant. Patrick Henrier ne semblait pas vraiment trop savoir comment... que faire de cela, mais quand on va regarder, je n'ai pas fait le détail de la recherche, mais quand on va regarder les sources dont s'est servi Agamben, c'est Eric Peterson, qui est un spécialiste en fait de la gnose, du gnosticisme, donc la gnose historique, 2e-3e siècle, et qui lui a donné une image, ou avait une perception du christianisme fondamentalement dualiste. Et Agamben apparemment a pris argent comptant, en fait. Il ne s'est pas du tout intéressé de voir comment d'autres spécialistes de l'évolution de la gnose et des formes de gnosticisme jusqu'à notre époque, hein, puisque ça existe, envisager la chose et confronter ça avec la tradition proprement chrétienne, avec des grands textes de la tradition chrétienne, Augustin, mais aussi d'autres théologiens. Et on avait l'impression d'aboutir à une impasse, à une aporie, quoi, dans l'interprétation des images de nudité dans les objets de vénération médiévaux sur lesquels il travaillait et Agamben, le texte d'Agamben. Je crois qu'on va être obligé de clore maintenant parce que il est 6 heures, donc on a déjà bien. C'est juste à demander une petite précision. Oui. C'est quel est l'auteur qui fait la séquence Lectio Meditatio Ratio Contemplatio? Guigues le Chartreux. Oui, Guigues le Chartreux, 12e siècle. D'accord. Guigues II, pour être précis. C'est le deuxième du nom. Guigues II, c'est ça. C'est le deuxième du nom.